bénisse nos aînés. Que ce Dieu-là nous montre sa gloire. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi de tous les temps. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi de tous les temps. Chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es notre roi. Shalom, shalom. Bonjour, frère Junior. Oui, bon, non, c'est pas mon frère Junior, c'est le frère Osval. Oui, le frère Osval. Oui, bonjour, les bien-aimés. Frère. Alors. Je suis heureux de vous rejoindre. Hein. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, je crois que non, ma sœur. Donc, oui. C'est ça. Donc, quand le Seigneur prend plaisir dans les voies d'un homme, il met favorablement en position même ses ennemis. Et le but de l'Église sera toujours de nous empêcher d'avoir cette connaissance. Parce qu'il sait que dès qu'on a la connaissance de Dieu, correcte et précise, le Seigneur nous révèle l'état d'âme des gens. Même on, devient dangereux. On devient dangereux. Par rapport au calme de l'ennemi. Voilà. On devient dangereux. Vous avez remarqué même dans les assemblées, là où on prêche la prospérité, là où il y a les faux prophètes, les faux docteurs, tout ça là, vous allez remarquer que ils empêchent la connaissance à leurs fidèles. Parce que, sachant que s'ils ont la connaissance correcte précise de Dieu, Dieu va révéler leur état d'âme. Vous voyez? Parce que la plupart des fois, sont dans l'adultère, la plupart font des sacrifices humains, la plupart font des choses. Hein. Il y a des gens qui reçoivent des choses, là, ici et là, hein, partout. Des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, comme est dit la prophétie, hein, la prophétie de, voilà, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, hein. La nuit prophétique, la nuit des ténèbres, parce que nous sommes dans les ténèbres aujourd'hui. Même s'il fait jour, là, les ténèbres règnent. Vous voyez, les ténèbres sont là. Donc, c'est pas parce qu'on ne voit pas que c'est pas là. Les ténèbres aussi, c'est le comportement déréglé des gens. Mm-hmm. Un peu. C'est le comportement du bureau. Même aujourd'hui, les présidents du Sénat, les présidents des commissaires, des hauts commissaires de l'Union européenne, qui se marient entre hommes et hommes. Vous voyez quelle abomination. Donc, nous sommes justement dans cette période-là où il y a la confusion qui règne, où on ne connaît plus où est la vérité. Heureusement que le Seigneur parle à ses enfants, parce qu'il disait que, dans Jean, disent que mes enfants entendront ma voix et me suivront. Quand on entend la voix d'un authentique serviteur de Dieu, ça ne se cache pas. Un enfant de Dieu reconnaît la voix de son père. Amen. Voilà, c'est ça. Donc vous allez remarquer, quand un enfant vraiment de Dieu est converti, né de nouveau, quand un prédicateur ouvre sa bouche, il parle par le Saint-Esprit, tu es interpellé. Même si tu veux ici, là, ton cœur va fléchir. Mm-hmm. Tu vas te rendre compte que là, on me dit la vérité, là. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Et comme même témoignage, quand j'avais écouté, parce que ce qui m'a fait rencontrer le frère Junior, c'est en écoutant le témoignage de Mélissa. Je ne sais pas si vous tous avez connu un peu ce témoignage, parce que c'est un témoignage qui a touché beaucoup de gens, ce témoignage. J'ai écouté la voix. Tout de suite, j'ai dit à ma chérie que voilà, c'est un authentique là-bas. Donc il n'y a pas de. Ça ne trompe pas de toute façon. Quand on a l'esprit de Dieu, on ne peut pas être trompé. Donc, frères et sœurs, pour revenir à dire qu'il est question, n'est-ce pas, de rester dans la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là. Parce que nos vies sont dans cette parole-là. Nous qui sommes enfants de Dieu. Voilà, nous qui sommes enfants de Dieu, nos vies sont de Dieu. Nos vies sont de Dieu. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, nous dit la parole. Donc, tout est dans la Bible. Donc, qui veut connaître beaucoup de choses, c'est la Bible. Il n'y a pas de miracle. C'est le livre de la connaissance. Ça commence par quoi? par la crainte du nom de l'Éternel, nous dit Proverbe, n'est-ce pas? Hein? La crainte du nom de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Et comment on craint le Seigneur, n'est-ce pas? C'est en se sanctifiant. Et non pas de la manière déréglée de ceux qui vont dans le dérèglement là. Voilà. Donc, simplement, les comportements, les comportements bizarres là. Voilà, la jalousie, la convoitise, enfin toutes ces choses-là, il faut donc c'est ça, le secret c'est ça. Il n'y a pas deux façons de voilà. Et Paul nous dira, sans la foi, il est plus d'être agréable à Dieu, n'est-ce pas? Et 11 nous dira, n'est-ce pas, que sans la foi, il est plus de bien agréable. Mais il faut que ceux qui à Dieu croient qu'il existe. Et qui est le revenu de la vie, qui cherche. Donc, pas une fois. Et finalement, est-ce que nous avons lu de Go 11 et on a ressorti toutes les caractéristiques de la foi. Parce que la Bible nous dira dans 11:2 que c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Donc, déjà, par la foi, tu obtiens un bon témoignage. Vous voyez, par la foi, tu obtiens un bon témoignage. Parce que sans la foi, tu ne peux pas obtenir le bon témoignage. Il faut la foi. Vous voyez? Parce qu'elle dit que c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Donc, c'est bien. Parce que Proverbe 14, 33, tu diras quoi? Que la sagesse est dans le cœur de l'homme intelligent et que c'est même un témoignage parmi les premiers. Et les gens mettent un témoignage. Voilà comment il vous a témoigné de tous ceux-là qui ont vécu par la foi en parlant de Daniel. Qui ont fermé la bouche, donc Shadrach, Meshach et Abednego qui ont marché dans la fournaise Adam et qui ne sont pas, qui n'ont pas été brûlés. Voilà, les mots sont ouverts, qui ont fait des miracles terribles. Vous voyez? Et c'était par la foi. Vous allez voir aussi que par la foi, on parlait des modèles comme Sarah, comme Déborah, comme Esther, comme Ruth, toutes ces femmes qui ont marché par la foi. C'était les femmes de foi. Voilà pourquoi leur nom s'inscrit dans la Bible. Donc, si on veut avoir ce comportement-là, il faut que notre foi soit éprouvée aussi. Tu as remarqué cette génération, c'est pas la foi. La foi à Jésus-Christ. Parce que ce qui est glorieux par rapport à ce temps, parce que la Bible dira que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous avez remarqué qu'à l'époque, eux, ils n'avaient pas l'esprit comme on a l'esprit aujourd'hui. On a dit que le Saint-Esprit même est en nous maintenant. Parce que le temple même, nous sommes le temple même. Vous voyez la différence? Donc on est un privilège encore plus. Voilà. On est privilégié en fait. Donc, le temple, c'est nous. Vous voyez, le temple, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est ici, mais il n'est plus dans un temple où il fallait, voilà, tous les ans, faire un sacrifice pour le faire, pour le peuple. Maintenant, nous sommes ces sacrifices-là, nous sommes ces sacrifices vivants. L'excellence. Parce que nous qui sommes sur la grâce, c'est l'excellence. Vous voyez la différence, non? C'est l'excellence. Parce que le sacrifice qui était réitéré chaque année ne pouvait pas sanctifier le peuple. Mais nous, on a la possibilité d'être sanctifié aujourd'hui parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. N'est-ce pas, la Bible nous dira que celui qui a l'Esprit de Dieu ne pêche pas. C'est pas ça, frère et soeur. C'est pas ça. Oui. Ils avaient besoin d'aller récupérer le sacrifice chaque année. Mais nous, je suis dans l'esprit là en nous. Donc, raison de plus être des modèles parfaits vraiment. Ils vont se faire là. Donc, on a l'esprit en nous. Ce qu'il a reçu, c'est tout ce qu'il a pouvoir devenir quoi, enfant de Dieu. Il disait aux apôtres qu'il est préférable pour vous que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas seul. On a vu Actes des apôtres lors de la Pentecôte quand on a vu comment l'apôtre Pierre a commencé à avoir du zèle, non? Il a commencé à avoir du zèle, l'apôtre Pierre. Il parlait avec Artiès. On dit même que Chrétien se réjouissait du fait qu'il soit pour le salut. Alors que bien avant, ce n'était pas le cas. Je crois que c'est chez le frère Oswald. Frère, tu peux couper le micro, mon frère. Merci. Donc, vous allez remarquer que, justement, Actes des Apôtres, ils prenaient maintenant plaisir d'être outragés pour Dieu. Donc c'est le même comportement que nous devons avoir pour nous qui avons reçu l'Esprit. Parce que hier, on ne pouvait pas, parce qu'on n'avait pas l'Esprit. Parce que le Seigneur disait dans Jean là-bas que sans mon Esprit, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez? C'est pour la faute qu'allez attendre à la chambre jusqu'à ce que la puissance va descendre d'en haut pour vous. Et dès que cette puissance est descendue, l'Esprit Saint, vous avez vu le comportement a directement changé. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à opérer des miracles. Pas que non. En plus, les trois personnes étaient confrontées. Comment ça ne va pas? Un frère et soeur, vous remarquez ça, n'est-ce pas? Amen. D'où l'importance de la nouvelle naissance. Il faut être dit nouveau et il faut la traiter de Dieu. Que ce soit dans les, que ce soit le sujet auquel initialement on voulait aborder aujourd'hui, c'était le couple. Donc que ce soit dans le couple, que ce soit dans n'importe quel domaine, si quelqu'un craint Dieu, je vous le dis, le Dieu que je connais là, non, si quelqu'un craint Dieu, la bonne façon, Dieu fiche, l'adversaire n'a pas de pouvoir, il ne peut pas. Que ce soit ma soeur, dans la vie où tu es comme le roc, Jérémie 23, 29 là-bas, maman qui brise le roc. Vous voyez ça? Dans Jérémie 23, 29 là, il dit que ma parole ne tient pas comme un feu. Hein? Vous voyez ça? C'est comme un marteau qui brise le roc, c'est une masse qui brise le roc. Donc même si tu es Dieu comme le roc là, si quelqu'un craint Dieu, tu vas fléchir. Amen. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Donc il faut la crainte du nom de l'Éternel. Et il faut savoir aussi, il faut avoir l'intelligence pour se détourner du mal. Parce que la sagesse de Dieu nous donne l'intelligence pour se détourner du mal. Tant que tu marches dans les voies du Seigneur, quand le Seigneur prend plaisir à tes voies, c'est fini. Le reste là, il dit garde le silence, c'est moi qui combats pour toi. On a vu la preuve avec la sortie des enfants d'Égypte, des enfants d'Israël en Égypte. On a vu comment ça s'est passé. Comment même les Égyptiens ont dit que non, cette fois-ci c'est Yahweh qui combat pour nous. Vous avez vu, non? Il dit que non, là, cette fois-ci, c'est le doigt de Yahweh qui parle. Ce n'est plus ce qu'on pensait, là. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? C'est la même chrétien. Si le Seigneur prend plaisir à te voir, mon frère, c'est fini. Le reste, là, ne t'embrouille même pas. Oui. Devant toi, là. Elle va se renverser. Qui est-tu grand montagne de oiseaux? Hein? C'est ça. Bonjour! Bonjour. Le frère Julien. Salut, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Je m'excuse pour le retard. Je suis en attendant la connexion du frère. Donc, je vois que comme il est là, je vais. Hey, mon frère. C'est quoi mon fils? Bonjour tout le frère. Bonjour frère. Bonjour bien-aimé sœur. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. T'as cette voix là. Cette voix là. Pour l'art, ce que je peux dire, c'est que même si on doit se réjouir, je me réjouis des afflictions. Amen, amen, amen. Même si ça fait pleurer, non, mon frère. Je suis obligé de garder le sourire. Garde le sourire. Hein? Le président dit qu'il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Donc, pourquoi tu as trop pleuré? Pourquoi tu as pleuré? Comme une curieusement, qui seront pleurés. Amen, vous la pensez. C'est amen à la suivre. Parce que pensez là. C'est jusqu'à la fin de nos jours, non? Mais Dieu nous donne la force de tenir bon. Je ne suis pas connecté s'il n'y avait pas la force. Par rapport à ce qu'on n'est pas connecté, ma soeur. Ce que chacun est dans son. C'est que nous sommes des enfants. Et que nous sommes confiants. On a les joies. On doit avoir cette joie-là. Même si après, les afflictions, comme le frère le dit, même si c'est dur souvent. Mais quand on se retrouve comme ça, partageons cette joie-là. Que chacun retourne avec un peu de joie, même si c'est souvent dur. Je ne pense pas que ça va être facile. Tu vois les situations. Après les durs moments, il y a la joie de toute façon. Voilà, ma soeur. Parce que tout ce qui fait, il ne le fait pas en vain. Autrement, comment ça se passerait? Si c'était que tout le monde venait à Christ et que c'était la joie, je crois que même tous les présidents seront convertis. Hein. Parce que ce président, c'est une joie qu'il cherche, mais il ne trouve pas. Quand ils partent chercher cette joie-là, ils sont conditionnés. C'est pas ça, frère et soeur. On est conditionné là-bas dans des trucs bizarres. Hein? Non, mais cette joie-là, tout le monde, c'est le partenaire qui me fait. Hein, du Père des Lumières, non. En qui il y a un changement ni ombre de variation. Donc, il regarde là-haut. C'est là que ça vient. Et par Yoshua Amashia, c'est Jésus de Nazareth. Regarde la sœur qui vient heureuse comme ça. Amen. L'équilibre. On attend comme ça, c'est où? Comme ça va venir, frère. Il faut rester patient. Patient avec le Seigneur. Ça va venir. Ça va venir. C'est qui le moitié se prépare. Ça va venir. Votre côté, pour que vous soyez complet. Vous savez, la femme stabilise aussi l'homme, hein, parce que c'est la femme qui stabilise l'homme, normalement. C'est ça. Ouais. Voilà. Une femme selon Dieu, hein. Pas une femme selon le monde, une femme selon Dieu, et qui rencontre quoi, le bonheur. Vous avez vu ça, non? Oui. La femme stabilise l'homme, c'est important. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, voilà, j'ai c'est ça. Oui. Maintenant, c'est notre nom de fille qui est mis devant. Non. Marie. Oui. Tu as l'autorité sur toi, ma soeur. Amen. C'est bien. Mon frère Junior, bonjour. Il est resté mieux au milieu. Comment tu viens? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Amen, amen. Je n'ai pas pu être là mercredi. Oui. On a compris, mon frère, on a compris. Oui, je suis rentré vers 23h30. Bon, ah. J'ai pas... Bon. Après, j'ai vu que vous avez terminé à 1h du matin. J'ai dit, waouh, il fallait que je me connecte alors. Que je pouvais me connecter. Non. À 23h30, je me suis dit, bon, c'était déjà un peu tard de me connecter. Amen. Amen, mon frère. La France dans la sainteté, bonjour. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour, mon père. Junior. Que la grâce, bonjour, la paix, frère, et l'amour de notre Seigneur vous soient multipliés ce matin. Bonjour, mon frère. Oui. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Alléluia, tu es digne d'être exalté, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire, voulons vivre ta gloire. Jésus, rentre dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Jésus, oh, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Jésus, oh Père, oh Jésus, fais quelque chose de nouveau dans ma vie ou dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Alléluia. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Jésus. Oh. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Alléluia, Jésus. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie, Seigneur. Jésus. Alléluia. Nous t'élevons, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelque chose de nouveau dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose de nouveau. Oh Jésus. Au 97 boulevard David, bonjour, dans le 20e arrondissement de Paris. Marie-France-Sophie, bonjour et bienvenue. Bonjour, Frère Junior. Content de te voir, non seulement de te voir, mais d'entendre cette voix avec la vie provenant d'elle. Oh Seigneur. Beaucoup de courage, d'accord. Merci. Ouais, s'il y a quelqu'un qui doit être en joie ici, ça devrait être toi. Amen. Ouais, absolument. Gloire au Seigneur. Oui, gloire au Seigneur. Bon, je ne parle pas les choses des gens. La sœur Kétia, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour frère. Comment tu vas? Ça va pas, merci. Et toi? Le moment arrive où il va falloir que vous allez très vite dans les décisions. Et je ne te vois pas sur mon écran. Tu vois, est-ce que tu te trouves? Je comprends pas. Je sais pas ce que tu veux dire. Le moment arrive où il va falloir que vous alliez vite dans les décisions. Et donc il y a quelque chose qu'il faut accélérer, d'accord? Il va falloir que vous accélérez. Ton micro est fermé, certainement. Je t'entends pas. Ah, voilà, c'est bon là. D'accord. Vous me voyez? Oui. On voit, frère. Ok. Amen. Donc, la seule question, j'ai dit, il y a quelque chose, il y a une décision qu'il va falloir que vous accélériez. Si vous n'accélérez pas, ça risque de créer des problèmes, des tensions, des grandes tensions. Ah bon? Il y a des choses à changer dans la décision initiale. Il y a une décision initiale qui a été prise. Et là, maintenant, ici, il y a un processus qui doit être mis en place rapidement. Ça concerne. Ça concerne ton cœur. Il faut que ça touche ton cœur. Il faut que la communion qui est dans ton cœur ne soit pas brisée à cause de cette décision. D'accord. Tu comprends maintenant ce qu'ils sont les dit? Je comprends pas tout. Bon, il s'agit d'une décision de cœur, quoi. Voilà. Je crois que ça devrait être un peu plus clair maintenant. D'accord. Tu as compris maintenant? Oui. Mm-hmm. Tu vois que j'ai porté les lunettes comme toi, non? Oui. Il y a quelqu'un qui se cache quelque part. Où est le frère Pierre Moi? Shalom. Shalom, bonjour. Shalom, frère. Bonjour, mon cher frère. Bonjour. Parlant des décisions, et puisque ça s'est similaire avec celle de notre soeur Kétia, je crois que ça doit être un secret des polichinelles. J'annonce officiellement dans la France, dans la sainteté, que le frère Pierre Moi que vous voyez là a vu une poule quelque part dans le marché et on a des commerciaux là-dessus. À un moment donné, là, il se la procurera, d'accord? Amen. Amen. Amen. Il y a des grandes personnes ici là qui vont entendre. Donc bientôt, vous n'allez plus ensemble, c'est même Pierre. Le frère Pierre, on va parler maintenant. On pourra parler de Pierre en double de l'autre côté maintenant dans la France, dans la sainteté. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. La sœur Paul Gertrude. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon bien-aimé frère Junior. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je crois qu'après la séance de travail, il faut que cause avec toi la soeur. Je ne sais pas si tu es disponible. Je suis disponible, mon frère. C'est pas à toi d'annoncer quelque chose la dernière fois en disant que fais attention avec ton. C'était à toi. Oui, c'est moi. Comment ça va jusque-là déjà? Ça va toujours bien. Amen. Amen. Donc on va causer après, d'accord? D'accord, frère. Où est le frère Yannick? Le seul Banganté de Paris. Je pense que je ne suis pas le seul, mais bon. Bonjour, mon frère. Bonjour. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Que Dieu vous bénisse. Ah bon? Je vais me recoller la petite là. Voilà, il y a quelqu'un qui te concurrencé en Banganté. Le frère Yannick, il y a deux événements de pleurs dans la famille qui sont annoncés. Deux événements. Donc, c'est après une, après deux. Donc, garde ton sourire et garde, pendant que vous entendez échanger, puis c'est par toi que ce message a commencé. Donc, garde le cœur, nous sommes de tout cœur avec toi, parce que tout ce qui arrive, c'est au devant de toi. Donc, il y a deux événements. Ces événements, si quand ça concerne les pleurs, après ça, qu'est-ce qui arrivera? Donc, garde seulement le cap, d'accord mon frère? D'accord. Non, mais comment ton d'accord encore baissé comme ça là par rapport? C'est plus tonifiant comme tout à l'heure. Ou bien, essayez, les gens ne parlent pas alors. Le frère Benjeni, bonjour et bienvenue. Bonjour frère Junior et bonjour à tous, chers frères. Ouais. Benjeni a seulement parlé doucement. Il dit que ne donne pas ma part. Bon. Le frère de côté de Viry Châtillon maintenant, le couple Abraham-Sarah. Bonjour avec le fils Isaac. Bonjour frère Junior. C'est content. Qu'est-ce que fait ce matin, mon frère? Non, c'est parce qu'il fait frais ici. Il a plu toute la nuit. On a passé la nuit dans l'obscurité. C'est pas grave. Mais le Seigneur était là. Mais n'empêche que tu sois frais. Oui, quand il fait frais, non, naturellement, on doit être frais. Tout ce qui est tout autour est normalement frais. Il y a encore qui. Où est-ce qu'il est pas salué? Qu'est-ce que. La soeur. Voilà. La soeur Sandra Kazimi. Bonjour et bienvenue. Quoi que la... Bonjour, mon frère. Oui, tu vas bien? Ça va bien, après ça va faire le coup. Tu n'es pas dans le transport, non? Non, je l'ai supprimé. Il y a un dilemme de choix maintenant qui va te positionner devant toi. Un dilemme de choix. Sandra, moi? Oui, c'est Sandra là, non? Sandra Kazimi, c'est ça? Oui. Il y a un dilemme de choix qui se présente devant toi maintenant. Le frère Achille du côté. Le couple Achille. Sandra, tu m'as entendu? Oui, mais je comprends pas. Il y a le c'est vrai qu'il y a des choix qui sont devant moi, mais je ne sais pas quoi faire en fait. Mais si on dit qu'il y a un dilemme de choix devant de toi maintenant, il va falloir savoir maintenant comment on se conduit d'après la volonté de Dieu. C'est ça que j'en ai parlé. Moi, je te vois pas. Tu es où? J'arrive. Ah, ok, tu arrives. On, le temps qu'on essaie de te mettre dans la sanctification pour que tu reviennes bientôt. Le frère Achille, bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Junior. Shalom tout le monde. Shalom. Madame est à toi. Je peux faire la maison parce qu'il y a les bruits là. Oui. S'il y a les bruits, daigne fermer pour le respect de nos auditeurs qui nous écoutent. Sylvain Baïba et puis tous les frères qui ont les écouteurs aux oreilles comme moi pour ne pas casser les tympans. D'accord, mon frère. Que Dieu te bénisse. Emmanuel Yoba, bonjour et bienvenue une fois de plus. Bonjour. Ouais, ça va toi? Ah, ça peut aller. Courage. Et comment va l'école? C'est la blouse. C'est pour porter la blouse blanche, n'est-ce pas? Et être sérieux avec la médecine, c'est ça? Oui, mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai une inscription à Bruxelles. Oui. Du coup, je vais étudier en français. Oui, merci. Parce que la Pologne, là, c'est pas trop facile, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Pour passer, j'étais obligé de tricher. J'arrivais pas. Je me sentais trop mal par rapport à ça. Toi, tu vois vraiment que tu comprends ce message-là qu'il faut accélérer les choses, n'est-ce pas? c'est délicat. J'ai compris. Tu as compris, n'est-ce pas? Oui. Voilà. La sœur Kelly Nyaoré. Bon, j'espère qu'elle a bien prononcé le nom. Nyaoré. La sœur Kelly. Bonjour, bonjour, frère Junior. Bonjour, comment tu vas? Très bien. J'imagine que les songes qui tournent autour de toi, maintenant, ce sera le songe que tu allais accueillir ton mari à l'aéroport. Amen, amen. Mmh. Que Dieu te bénisse. J'espère que l'établissement, le retour a été facile et la joie que tu as transportée depuis à Bobo et de l'autre côté d'Abidjan, la joie est toujours là. Oui, toujours. Mmh. Et je suis sûr que quand tu n'es pas sur la fin dans la sainteté, tu es sur WhatsApp avec Monsieur Nyaoré, sèche. N'est-ce pas ma soeur? La soeur Nafissa, bonjour et bienvenue. Oui. J'ai pas bien compris, frère Junior. Non, je t'en ai dit que quand tu es pas sur la sainteté, tu es sur WhatsApp avec Monsieur Nyaoré. J'ai pas bien compris, frère Junior. Monsieur Nyaoré. La sœur Nafissa, bonjour. La fille Nafissa, il croit que son... Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Oui, oui, que quoi, ma sœur? Oui, voilà. Bientôt. Bon, je crois que la sœur Kelly doit avoir des problèmes avec son... Qui est-ce qu'il n'est pas encore salué? Le frère... Bonjour, bonjour, frère. Oui. Bonjour à tous. Je crois que les ondes ont dû parcourir la satellite AXA pour descendre du côté de la France avant de descendre du côté de Bordeaux. Vous allez bien, la sœur Nafissa? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu, frère. Mmh. Bonjour, frère. Bonjour à tous. Mmh. À tous les frères et sœurs. Mmh. Ouais. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Toute la famille va bien, la sœur Nafissa? Toute la famille va bien par la grâce de Dieu, ça va. Amen, amen. N'est-ce pas, toi, je parlais une fois d'une idole qui marche, quelque chose comme ça, comme œuvre d'âge. Quoi que si ça, ma mère, bon, c'est pas à toi que j'ai dit ça, une fois dans ces séances-ci. Oui, oui, frère, c'est ta. Hein. Oui. Oui, c'est moi. Oui, qu'avez-vous fait de cela? Avez-vous fait le nettoyage? Oui, j'ai prié et puis bon, on devait parler au téléphone, mais bon, on n'a pas eu le. J'attendais que tu me fais signe, quoi, en fait. Mm-hmm. Tu as profité pour en débarrasser tout, quoi. Oui, dans mes prières. Mm-hmm. Ok, donc on va parler, d'accord. Mes prières, on va parler. Bon, lorsque le Seigneur disposera le temps, je vais te faire signe, d'accord. Amen. Le frère Oswald, bonjour et bienvenue avec madame. Bonjour frère Junior et bonjour à tous, frères et sœurs. Comment bonjour frère. Comment va madame? Elle va très bien, elle va très bien. Mmh. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Dis-lui courage, d'accord? Amen. On te dit courage. Ouais. Ah, merci. Oui, elle m'écoute. Moi, je ne vous vois pas. Je crois que vous avez également des... Vous me voyez, vous me voyez, n'est-ce pas? Ouais, moi je vous vois, hein. Moi je te vois bien. Donc tu peux essayer de me décrire, mon frère? Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur l'écran. Ah, mais je te vois comment tu es, frère, là, non? Non, ça c'est. Avec les lunettes, ça, avec c'est... les poches. Ça c'est. C'est le frère de Véry Châtillon qui m'a vendu comme ça. Alors, Moi je te vois. Mmh. Ici on peut parler plutôt de nettoyage, là maintenant. Madame, André, pendant que je parle, m'écoute. Oui, elle est là. Elle est là. Elle t'écoute très bien. Madame Oswald, rebonjour. Bonjour, frère. Ravi de t'entendre. Des questionnements. L'entrechoc des questionnements. Là, c'est le nettoyage qu'il faut. Mmh. N'est-ce pas? Amen. Tu vois, à tout bout de champ, maintenant, ce sont les interrogations. Amen. Beaucoup de courage, d'accord, et bienvenue. Merci beaucoup. Ça va aller. Lorsque les bonnes questions sont posées, il y a des bonnes réponses, il y a des bonnes formules pour marcher en suivant le Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je suis à votre service tout simplement. Le frère Saria Dilia Olivier du côté de la Chine avec son épouse. Bonjour et bienvenue. Comme la Chine est assez éloignée, je suis sûr que les ondes vont parcourir au moins 2 minutes pour y arriver. en de temps faisant une tour du côté de Bordeaux. La famille Willy Landro, bonjour et bienvenue. Bonjour frère, bonjour à tous. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous, vous, on ne vous voit pas. Je ne sais pas si vous avez mis votre vidéo. Je ne vous vois pas. Si, si. Vous avez dit... Ok, ok. Donc, je crois que c'est ma machine qui a des problèmes. Alors, le frère Olivier de l'autre côté de la Chine, bonjour. Si tu nous entends, je crois que ton micro doit être fermé. Bonjour frère Junior. Oui. Bonjour bien aimés frères et sœurs. Voilà, c'est bon. Bonjour. Comment vous allez de ce côté-là? On se porte très bien par la grâce du Seigneur. Il y a une contamination dans l'air qui va venir sur votre pays. Une contamination dans l'air. Il faut bien noter ceci. Une contamination dans l'air, ça va créer des problèmes pulmonaires. Ça, c'est dans le pays où tu te trouves maintenant, contamination. Je crois que les médias vont en faire état. Je ne sais pas comment on va résoudre ces problèmes. C'est prier, donc, il faut, toi qui es là-bas de ce côté, il faut prier que ça n'ait pas les effets sur votre santé. Alors, dans le pays là où je suis, bien dans mon pays. Non, pas dans ton pays. Si tu es à Massa, la dernière fois, tu avais dit que les Massa, on les a exclus de la synagogue ou c'est des... Du sacerdoce. C'est pas de ces pays-là. Il dit là où vous vous trouvez. Il y a une contamination, une particule. Il y a une particule, c'est une industrie qui est en train de travailler. Comment, frère? Ok, ok, d'accord. Je parle de la Chine. C'est pas, ça s'accélère. Il y a une particule. Il y a une particule chimique et un produit chimique. Voilà, mettons ça ainsi. C'est facile. C'est que le... Okay. Quelqu'un de parler là. Le frère Osvald, coupe le micro. Ils sont en train de faire un peu comme Rebecca et Isaac, tu vois, un peu avant d'aller chez Aguera. Vous savez, lorsque Abimalele voyait au travers de la fenêtre, il disait que non, ça c'est pas ta soeur. C'est pas la soeur du frère Osvald, c'est sa femme. Voilà. Le frère Olivier de la Chine, j'étais avec toi. Oui, frère, voilà. Je t'en ai dit qu'il y a une industrie, une entreprise qui en a utilisé. C'est une industrie qui, je crois que cette personne, ce type d'industrie, c'est une redisivise. Je ne sais pas comment vous dites en français. C'est comme s'ils ont été en procès pour ce genre de choses-ci. Mais ça va venir sur votre. On va parler cela dans les médias. Il y a une particule. Parce que ce qu'ils sont regardés, un laboratoire qui en a fait les études de la. Ils ont perçu. Comment vous appelez ça? Ils ont prélevé, oui, prélevé c'est le mot, dans des tubes, à essayer des échantillons, des choses qu'ils sont en train d'étudier. Et là, ça va venir dans les médias bientôt. Ils vont présenter cela en disant que c'est telle particule libérée par telle industrie. Et ça va amener une affaire dans la justice. En fait, de toute façon, ils parlent parce que ça concerne la respiration. Donc, il faut prier que le Seigneur protège par rapport à la respiration, particulièrement l'enfant. D'accord. Que Dieu te bénisse. Voilà, note ça très attentivement. Amen. Et je crois que le moment venu, il va falloir, si ces choses, quel monde nous avons. De toute façon, la sœur Elsa, bonjour et bienvenue. Voilà, je crois que j'ai fait le tour maintenant. Si vous le trouvez, bon, s'il n'y a pas de questions ce dimanche, on peut commencer maintenant. Je suis à votre service. Je crois que je n'ai pas manqué de saluer quelqu'un. Je n'ai pas manqué de civilité envers quelqu'un. Je vous ai salué tous. Vous m'êtes témoin. La sœur Paul. Non, la sœur Paul, j'ai parlé avec elle jusqu'à 10 qu'on a rendez-vous tout à l'heure, mon frère. Tu étais où? Ah, c'est moi qui étais du frère. La sœur Paul, j'ai été salué, n'est-ce pas? On a causé, pas vrai? Oui, mon frère, on a causé. Et voilà. Je suis désolé. Je redis mon bonjour, frère Junior. Le micro était coupé à cause des enfants. Ok, je reçois ton bonjour avec amour. C'est amen. Voilà. Et puis, je suis là, mon frère. Qui parle comme dans là? Sandra. Sandra, oui, Sandra, ça va? Oui, tu viens de parler, dis-nous. Tu as dit que tu reviendrais bientôt. Oui, je suis là maintenant, je suis là. Ok, tu es revenu, n'est-ce pas? Oui. Alors, je tente de te dire qu'il y a le problème des choix qui va se présenter maintenant. Là. Et là, il faut la direction du Seigneur, d'accord? D'accord. Là, maintenant, il va falloir que tu te retires dans la tranquillité avec le Seigneur, d'accord? D'accord. Dans la tranquillité avec le Seigneur, dans le jeûne, sans les, vous appelez ça les réseaux sociaux, et écoute la voix du Saint-Esprit. Quand tu vas sortir de là, le choix que tu vas faire, fais, parce que Dieu sera avec toi, mais à condition. À condition que tu restes vraiment tranquille dans le jeûne. D'accord? Deux jours te suffiront pour que les choix soient arrangés. Arrangés. D'accord, la Saint-Sandra? Et ces choix seront déterminants, non seulement pour... Bon, y a-t-il des questions? Oui, j'ai une question, frère. C'était par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, ça m'a... Depuis tout à l'heure, je repense à ça, je réfléchis, je dis... Bon, je ne sais pas. C'est qui, c'est qui, qui parle? Bon, oui, c'est, parce c'est ça, pas c'est ma question. Ça. Je crois qu'il faut qu'il redise la chose de la bonne façon, pas vrai? Oui, oui. Donc voici un choix, voici une décision qu'on a prise. C'est quelque chose, une décision qui est censée faire. Mais on a pris du recul par rapport à cette décision-ci, initialement. Ça, c'est initialement. Et là, maintenant, il faut accélérer les choses parce qu'il y a un problème qui surviendra et qui créera le problème des problèmes. Et le vrai problème, c'est que ça va troubler au niveau du cœur, de la communion avec le Seigneur. C'est ça dont je suis en train de parler. De la communion avec le Seigneur. Non, non, non. Gardez à l'esprit que je ne parle pas de la communion avec le Seigneur. C'est cette décision-ci, c'est cette décision-ci qui pourra influencer sur la, quoi, la communion avec le Seigneur. D'accord? D'accord. Il faut prendre cette décision rapidement. Non, non, ça veut dire qu'il faut revoir les clauses. Il faut revoir les décisions. Initialement, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un stop, quelque chose, il faut faire lentement. Mais ici, il faut l'accélération pour aller au point, à l'objectif fixé. Sinon, il y aura le problème avec le communion avec le Seigneur. Parce que sinon, il y a les repentances, repentances, repentances, les pleurs, repentances, repentances. C'est pas bon. Ah, d'accord. Ok. Tu as bien non, parce que je... Oui, là, j'ai compris. Ok. J'ai compris. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Je suis toujours heureux de passer un excellent dimanche avec vous chaque matin. Je crois que c'est plus bon que le déjeuner même. Hein. La communion avec vous. Mon frère, c'est comme une douleur. Le ndolé, la seule que tu connais le ndolé, c'est les herbes amères qu'on donnait aux juifs, que Dieu avait demandé aux juifs de manger quand ils sortaient la hâte là. C'est ça dont il parlait. Il veut nous donner ça ce matin. Les herbes amères, mais cette fois-ci qu'on a mis de l'arachide, des arachides là-dedans, cette fois-ci, il avait l'amertume. Voilà, donc la France dans la sainteté, je suis à votre disposition ce matin pour qu'on puisse travailler. Amen, amen, amen, amen, amen, mon frère. Épuisons vos questions rapidement. Et si le Seigneur le permet, si vous avez des questions, posez les questions. Où est-ce que mon stylo se trouve là? Posez les questions et puis. Junior, j'ai une question. Voilà. Oui, Junior, j'ai une question. Oui, permettez-moi. Oui, première question, mon frère Achille. Oui, je ne sais pas si ça se retrouve dans le contexte de la Bible, mais ma question est une question générale sur ce que je peux appeler le mode de vie. Oui. Qu'est-ce qu'un chrétien, justement, quelqu'un qui suit le Seigneur, quel doit être son mode de vie? Je prends juste un exemple. Par exemple, tu travailles peut-être de 8 heures jusqu'à peut-être 18 heures, peut-être de telle et encore tu fais une autre activité, je ne sais pas, peut-être tu te livres à la Bible, tu pries. À quelle heure est-ce que tu dois te coucher? Combien de temps est-ce que tu dois te reposer? Comment est-ce que tu dois procéder et tout? Parce que si je prends un exemple sur toi, par exemple, tu as publié un enseignement sur le Canada la sainteté, où tu disais que tu t'étais couché très très tard et tu devais te réveiller très tôt, par exemple, pour l'enseignement d'aujourd'hui. Mmh. Donc, comment est-ce qu'un chrétien doit procéder avec son mode de vie? Comment est-ce qu'il doit se reposer? Comment est-ce qu'il doit s'alimenter? Je ne sais pas s'il y a un canevas comme ça dans la Bible que les enfants de Dieu doivent suivre. Merci, frère, pour cette question. Merci. C'est la seule? Oui, c'est la seule. Notez les deux passages que je vais vous donner. On va lire ça rapidement, je réponds, et puis on arrive à la prochaine question. Mode de vie, style de vie. Prenons le premier, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Non, je crois que c'est trois passages. Vous y êtes? 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 23. Personne veut lire ici aujourd'hui. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tous entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Maintenant, allons dans les deux passages, dans le livre 1 Corinthiens, avant de répondre à la question de notre frère. Gardez bien à l'esprit ce que nous venons de lire ici maintenant. Gardez bien ces versets à l'esprit, pour que lorsque je vais parler, je serai vraiment bref avec les questions, parce qu'il faut qu'on entre quelque chose dans ce qu'il a mis dans mon cœur depuis 4 heures aujourd'hui. Il faut qu'il vous dise cela. D'accord. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 et 17, vous connaissez cela, on cite cela. Les Français sont fatigués ce matin ici comme ça. Ne savez-vous pas que votre être est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Voilà. Chapitre 6 maintenant, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Je crois qu'au fur et à mesure maintenant. Merci frère, que Dieu te bénisse. Je crois que beaucoup de questionnements vont venir là maintenant. Beaucoup d'autres versets vont venir maintenant et je vais les citer. Si vous lisez dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 22, dans ce passage-là, il est fait mention de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait multiplié le pain et puis par la suite devait rester renvoyer la foule. Et il est passé par la nuit, je crois que c'est là où il marche sur les eaux. Il a passé la nuit là-bas à prier. Et dans le livre de Luc, chapitre 6, la Bible nous fait état dans le verset 12 que le Seigneur Jésus-Christ est monté sur la montagne. Il a prié toute la nuit, il priait Dieu toute la nuit. Le matin étant descendu, donc, les disciples sont venus à lui, il a choisi les disciples, c'est 12 qui devaient être à son service à côté de lui, qu'il les appela apôtres. L'apôtre Paul lui dit dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 9, il dit qu'il traite durement son corps et il l'a sujetti. Pas de veille, pas de prière, pas de jeûne multiplié. Maintenant, dans les trois passages que nous avons lu, commençant par le livre d'1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, puis en passant dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17, et maintenant, nous voyons effectivement que le corps physique que nous avons est engagé à l'œuvre et au travail du Seigneur. Et on ne doit pas faire de ce corps-là n'importe quoi. Par conséquent, tout ce que nous allons ajouter sur ce corps, y compris sa destruction, Dieu va nous demander de compte. Ça veut dire, d'après ce que nous venons de lire là, Dieu dit que nous ne sommes pas maîtres de notre corps et nous n'allons pas la gâter pour n'importe quoi. Le frère, je prends par rapport à la question que tu as posée, remarquons très attentivement, que tu as dit, pour ceux qui ont les 4-5 boulots pour pouvoir parler les choses, tu as parlé de ceux qui sortent par exemple de 8h à 18h entre autres et choisissent encore notre boulot et puis rentrent lire un peu la Bible. Vous remarquez qu'avec ce rythme-là, très souvent, vous allez beau être fort n'importe comment, mais vous ne pouvez pas supporter le rythme avec la prière, ni encore moins dans la communion du Seigneur, parce qu'en règle, vous allez être serré certainement avec votre travail, votre emploi, mais avec Dieu, vous ne pouvez pas garder le rythme. Parce qu'en réalité, si on regarde sur la proportion des dispositions du cœur, le cœur sera plus disposé à se réveiller pour aller au travail que de se réveiller pour prier. Je ne sais pas si vous saisissez. Ça veut dire que quand cette personne se lève, supposons, prenons un exemple simple, si tu as 3 boulots par semaine, quelqu'un a ouvert son micro, quelqu'un veut parler. Frère Olivier, ferme ton micro. Oui, c'est pas évident. Lorsque la connexion d'Andy et puis se reconnaît, là, c'est pas évident pour lui de facto fermer le micro. Alors, étant de dire, donc, si par exemple, au courant de la semaine, vous avez de lundi jusqu'à samedi, vous avez 4 boulots par nuit, ou bien sur 3 nuits, vous avez 5 boulots, l'épuisement que vous allez remarquer effectivement que le dimanche, qui est votre jour pour vous reposer, reposer un peu le corps, vous allez remarquer effectivement que si vous avez fixé des programmes pour ce dimanche-là, il est possible que vous disiez à Dieu que le Dieu va comprendre que vous êtes fatigué, franchement. Mais pour lui, vous allez forcément négliger. Mais c'est pour le travail. S'il y avait un travail ce dimanche-là, vous allez forcément travailler. Donc en fait, l'état de notre cœur importe sur notre corps aussi. Et par conséquent, il va falloir que nous comprenions que c'est Dieu qui nous donne la force pour pouvoir travailler. Et comprendre ce qu'il veut de notre corps. Ce qu'il veut dire, c'est que si quelqu'un détruit son corps par ces choses qu'on s'impose dans le monde et que ce n'est pas pour le Seigneur, nous avons un problème. C'est pour ça que j'ai pris ces deux exemples de la part du Seigneur. Le Seigneur lui-même qui passait, la Bible déclare qu'il était défiguré. Vous voyez, habitué à la souffrance. Il était habitué à la souffrance. Il portait nos souffrances sur son corps. Et remarquez bien jusqu'à ce qu'il allait au calvaire. Quand on le regardait, on croyait qu'il avait 50 ans. Un jeune garçon comme ça de près de 30 ans. Vous voyez comment il est? Avec le dos qui est pesé, qui pesait des différentes difficultés que les gens lui ont imposées. Alors, regardez très attentivement l'apôtre Paul, comment il fait, les soucis que l'Église lui donnait. Et il s'impose des jeûnes, s'impose des prières, s'impose de la faim. Ne regardez pas les sortes de tasses que vous voyez dans les films, ce n'est pas lui là-bas, ça n'a rien à voir avec lui, si vous le voyez véritablement. Alors, ça nous dit que quoi? L'abstinence par rapport à pour manger, tout travail que nous allons faire sur notre corps, si ça ne contribue pas à aller dans la direction de l'évangile, ou mieux encore, dans la direction de notre vie spirituelle et parfaite notre vie spirituelle avec le Seigneur, nous avons un compte à lui rendre. Alors, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il nous dit de façon spécifique que notre corps, tout notre être, corps, âme et esprit, doivent garder irrépréhensible. Qu'est-ce que sur notre corps peut être répréhensible à sa venue? Lorsque nous tuons notre cerveau, à bûcher, vous voyez, quelqu'un passe 9 mois dans les études, après si quelqu'un veut faire 3 doctorats. Pour passer le temps dans la lecture, pour lire. Son cerveau est en train d'être usé. Mais pour la Bible, s'il prend la Bible, il lit 2 lignes, il baille pour dormir. Ah. Vous pensez que cette personne-ci est consacrée que ses potentialités au Seigneur? Que non. Dans 1 Corinthiens, dans la Bible déclare que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Or, nous pouvons effectivement détruire le temple de Dieu par cet excès de travail qu'on impose à notre corps. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, alors, ça veut dire que, vous voyez, mais si quelqu'un est appelé de Dieu, le travail que le Seigneur est en train de faire, vous remarquez comment il fait, il finit le travail avec des gens, il va passer toute la nuit à prier, le matin, il est encore dans le travail. C'est parce que la force du Saint-Esprit lui est donnée pour pouvoir subvenir à cela. Mais si quelqu'un laisse la chose de Dieu pour ne pas faire, ou mieux, s'il n'a pas été appelé à faire cela, ce rythme-là, il ne pourra pas le garder. Vous commencez une de ces fois, vous allez tomber. D'accord, mon cher frère? Alors, ça veut dire que quoi? Il faut qu'on comprenne effectivement que nous devons garder notre cœur, notre corps, de façon reposante pour que Dieu puisse utiliser notre corps pour sa gloire. Et dans Romains chapitre 12, donc, il dit, je vous donne par la compassion de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice. Vous voyez, lorsque vous travaillez assez dur comme ça, on dit que je me sacrifie pour ma famille. Dieu dit que vous offrez ce corps-là justement comme un sacrifice pour lui. Mais que ce soit dans la sainteté, c'est où est-ce là, n'est-ce pas? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc Dieu ne veut pas qu'on détruise notre corps par ses excès de choses sur la terre. Et je crois que le frère, il faut qu'il coupe là comme ça. Par conséquent, nous devons tenir. Je crois que ce sont ces choses-là que nous venons. On a des choses à accomplir, beaucoup de choses que nous voulons réaliser, qui font la terre encore. On se lance à l'intérieur. Mais regardez très attentivement que si vous lancez dans ces différentes directions des travaux sur la terre, ça va influencer et de façon inéluctable sur votre communion avec le Seigneur, votre constance dans la lecture de la Bible et votre prière. Particulièrement votre prière. Or, la prière ne doit pas être bougée. Vous allez voir effectivement que vous allez commencer à faire la prière mécanique et religieuse et répétitive. Et à un moment, ça va vous frustrer. Des moments où vous allez seulement vous rester sur le lit en disant que Dieu comprend. On n'a pas besoin de se mettre à genoux. Vous ouvrez un peu la bouche, Seigneur, tu comprends mon cas. Tu vois effectivement que je suis dans la difficulté. Voilà. Et donc, c'est à Dieu de nous comprendre. Frère, je sais que Dieu te bénisse pour ces questions. Amen, amen, frère. Donc, on doit avoir un mode de vie soigné, régulé, de telle enseigne que rien ne vient prendre la place ultime que Dieu a pour nous. Souvenez-vous, c'est lui qui donne la force. Et c'est cette personne qui nous exige toutes les forces pour pouvoir dépenser, que vous le voulez ou pas, c'est votre force, votre énergie que vous vendez en fonction de, en échange de l'argent. Vous voyez effectivement que si vous êtes défectueux dans ce domaine-là, vous êtes défectueux dans ce domaine, on va vous remplacer. Ça montre clairement que la société capitaliste ne veut pas gérer si votre stress, ni gérer ni quoi que ce soit vous concernant. Ils veulent, c'est ce que les Anglais appellent « time is money ». Vous vendez votre temps à contrepartie avec de l'argent. Donc ça veut dire qu'il faut la grâce de Dieu ici. Que chacun reçoive la force que Dieu lui a donnée et fait ce que Dieu lui a demandé avec cette force-là. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions? Amen. S'il n'y a pas de questions, on entre dans les Saintes Écritures. Bon, frère. Oui. Surtout le moment du repos pour un enfant de Dieu. Oui. Voilà, donc, si vous pouvez un peu parler, le moment, ça veut dire, c'est dans ce moment-là qu'il y a beaucoup plus il y a d'intimité avec le Seigneur. Donc, les perturbations dans le mois de sommeil. Mmh. Bon, oui, effectivement, que les activités que nous faisons dans la journée influencent notre, naturellement pour notre... C'est notre façon de nous reposer. Parce que se reposer, ça ne veut pas seulement dire que c'est que s'allonger pour se reposer. Vous pouvez aller avec le repos, avec des situations troublantes sur votre cœur et vous ne parvenez pas à fermer les yeux. Vous pouvez aller dans votre lit, vous couchez dans votre lit. Les situations que vous avez vécues dans la journée qui vous ont traumatisé reviennent et font surface au point où ça peut vous briser les nerfs. Et même dans le son, vous voyez comment vous pleurez. Donc en réalité, le repos physique selon dépend selon les capacités de chacun. Moi, je peux me reposer en 15 minutes. Il suffit que je m'allonge là 15 minutes, je suis reposé. Même si j'ai fait deux jours sans dormir. D'autres personnes vont se coucher comme ça, de lundi, vont se lever mardi. Vous voyez là, n'est-ce pas? D'après ses capacités. Pour moi, je n'ai pas besoin de 5 minutes pour me reposer. Il suffit que je me couche là 15 minutes, je suis vraiment reposé et vraiment reposé. D'accord, mes frères? Mais le plus grand, c'est que le plus grand des repos, ce sera que ton cœur soit en paix alors que tu t'allonges. Si ce n'est pas en paix, c'est que même si tu dors un peu comment, à l'intérieur, ce sera le trouble. L'homme intérieur sera troublé. Donc, c'est son cœur qu'il faut préserver. Des questions? Oui, frère. Une question. Oui, frère Pierre. C'est quoi la différence entre la prière constante et la prière qu'on prend un temps? C'est-à-dire que, qu'on prend un temps pour faire. C'est-à-dire la prière qu'on peut murmurer à tout moment, hein, que ce soit au travail, que ce soit dans nos activités. Oui. Et le temps. Voilà, je crois que vous avez remarqué qu'on a une coupure de lumière là. J'espère que vous m'entendez. Et j'espère que l'autonomie va nous permettre de travailler. Vous m'entendez? Donc j'étais en train de noter ta question là-bas, la différence en entendant ces choses que je suis en train de développer. Tu poses la question sur la différence entre la prière constante et ces prières qu'on peut faire à notre lieu de service, n'importe quoi. La prière constante, remarquez, en prenant le lieu, je ne sais pas si vous m'entendez, faites-moi signe tout simplement, parce qu'on nous a coupé la lumière. Voilà. Vous allez voir la constante de la prière. Regardez la communion. Le cœur, lorsque le cœur est entraîné à la prière, le premier lieu, votre autel principal, c'est dans le cœur. Vous voyez, n'est-ce pas? Et vous le transportez n'importe où. C'est donc pour cela qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Mais maintenant, il y a des moments. Le moment de prière constant, ce sont les moments de prière, de retrait, où on se trouve face à face, prosterné devant le Seigneur. Parce que lorsque vous priez en marchant, vous n'êtes pas prosterné de cette façon-là. C'est le moment de dévotion, où on s'assoit pour rester tranquille devant le Seigneur, vous seul. C'est ce que Jésus a signifié dans le livre de Matthieu, chapitre 6, en disant, vous entrez dans votre chambre, vous fermez les portes, et puis vous communiez avec votre Père qui est dans le secret. Maintenant, vous regardez, vous pouvez voir cela avec le prophète Daniel. Si vous lisez Daniel, je sais pas, quoi que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà lu Daniel, comment il entrait constamment dans sa chambre, alors que normalement, ça, c'est pas le lieu de prière pour, comme il fait le ferait dans son bureau, ainsi de suite. Ça n'empêche qu'il prie dans son bureau, quand il a fait le travail, qu'il prie. Comme le prophète, comme le Néhémie l'a fait pendant qu'il a servi le roi. Vous voyez, n'est-ce pas? Néhémie, ici, est au service, mais il prie parce que le roi lui a dit que ton visage n'est pas serein, qu'est-ce qui ne va pas? Il a ouvert la bouche là-bas dans son cœur en priant. Donc, vous voyez comment son cœur était dans la prière. Nous voyons effectivement le cas de Anne dans un Samuel chapitre 1 et 2 qui monte constamment. Ouais, c'est ce type de prière qu'elle n'a pas prié, c'est différent de ce qu'elle prie à la maison. Donc, la prière constante, ou mieux la prière d'intimité, c'est un temps réservé, constant, de façon continuelle, où on part rencontrer le Seigneur. Les sujets de prière importent, c'est différent d'après tes aspirations. Vous voyez? Mais là, dans cette prière constante, c'est quelque chose qu'il faut aller à l'intérieur pour communier avec le Seigneur, pour que l'intimité avec le Seigneur soit profinée, pour débarrasser les choses. Pourtant, l'autre style de prière et tous les autres styles de prière qu'on puisse noter, à tout moment, vous pouvez prier. À tout moment, vous pouvez être dans votre bus ou bien n'importe où dans le train, voyant un événement comme ça qui vous arrive, ou bien les gens qui s'embrassent là-bas, vous dites, « Oh Seigneur, aie pitié de la France. Aie pitié de la France. Quel gâchis. » Oh, ce que vous en avez fait, là, vous voyez effectivement que c'est circonstancié. Vous avez vu un événement. Vous pouvez voir une maman passer à côté de vous, elle souffre, elle a des blessures, ou bien elle est handicapée. Vous dites, « Seigneur, viens en aide à cette femme-ci. » Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, donc les autres prières peuvent être aussi comme ça, mais la prière telle que la Bible nous montre dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 10, parlant de Cornée qui avait l'habitude de prier, là, c'est ce style de prière que Daniel priait, ainsi de suite. Donc, chaque chrétien se doit d'avoir des moments de prière, des temps d'intimité. C'est plus important que toute autre chose en réalité, parce que c'est Dieu qui nous y a invités. Il dit que invoque-moi et je te répondrai. le psalmiste dira que j'étais invoqué dans ma détresse et tu m'as répondu. Le caractère de Dieu s'inculque en nous dans le moment d'intimité. Plus nous approchons dans la lumière, plus le Seigneur s'approche de nous et nous révèle sa volonté, ses plans, ses directions pour nous et pour notre entourage. Et, donc, et par conséquent, souvenez-vous de ceci, ce plan-ci des prières de l'intimité doit être maintenu de façon constante et perpétuelle. D'accord, mon cher frère? Amen. Voilà. Je crois que le frère Yannick a envoyé un... pendant que je suis en train de parler, a envoyé un lien là-bas. Il ne sait pas de quoi il est question, de quoi que ça traite. Je crois que vous allez consulter cela. Voilà, je crois que c'est, voilà, c'est un enseignement que nous avons fait ici, la prière par l'esprit. Oui. Et si s'il y a des gens qui écrivent dans le cadre de la dans le forum, et daignez lire leurs questions pour qu'on puisse répondre, s'il vous plaît, parce qu'il ne peut pas tout contrôler. Il note vos questions pendant que vous parlez. En même temps, il faut qu'ils surveillent l'écran. En même temps, il faut qu'ils surveillent la lumière. Allô? Ici. Oui. Allô? Qui parle? Comme j'ai le problème de micro. Oui. Je vais la poser. Oui. Ma question est de savoir quelle est la différence entre un pasteur, un évangéliste, un docteur, un prophète. Est-ce que un serviteur peut porter tous ces ministères? Bonne question. Un prophète, voilà. Non, c'est bon, mon frère, c'est bon, c'est très bon à examiner. Donc, je vais glisser de façon superficielle, mais on va y revenir plus profondément parce que il y a beaucoup de personnes qui exercent dans certains ministères, ils ne savent même pas de quoi ils sont, là où ils ont été appelés. D'accord? Maintenant, parce que ta question, c'est quelle est la différence entre un pasteur, un évangéliste, un docteur? Enfin, qu'est-ce qui se différencie ces cinq ministères? Donc, la Bible parle dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Maintenant, la première chose que vous devez remarquer, c'est que si on les nomme de façon différente, ça veut dire qu'il y a d'abord la différence. Parce que dans ce livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère. Donc, si le Saint-Esprit a déjà mis pasteur, docteur, alors ouvrez le livre des. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Je crois que j'ai un souci de connexion ici. Je ne sais pas si vous m'entendez. Que le Seigneur vous bénisse de toute façon. Que le Seigneur vous bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 13. Comme votre connexion, enfin, comme on n'est pas sous la même connexion et que le volume n'est pas bon, je vais lire à partir du verset 1, le verset 1 et 2. Versets 1, 2 et 3. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Donc, merci pour le frère. Merci au frère, frère Yannick d'avoir posté cet enseignement. Prier par l'esprit, première partie. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 1 dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Deux points. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je crois qu'ici, en lisant cela, on va répondre des deux volets de sa question. Parce que la question qu'il a, quelle est la différence entre les différences, ces différentes appellations? Enfin, ou bien le ministère, ou bien l'exercice. Et la deuxième chose, est-ce qu'un chrétien peut-il revêtir, un serviteur peut-il revêtir tous ces, ou mieux, plusieurs de cela. Donc, la Bible déclare, verset 2, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère qu'il gênait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3, après avoir gêné. Après, c'est quoi, verset 3 là? Vous y êtes? Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Verset 4 maintenant. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquaient pour l'île de Chypre. Continuons rapidement. Allons rapidement au... Vous y êtes? Oui. Voilà. Donc, je crois que c'est bon jusqu'ici. Donc, nous voyons ici que le Saint-Esprit a fait la sélection. Déjà, en attendant, on dit qu'à l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Puis, on nomme toute une liste. Et dans cette liste-là, au verset 1, on voit que la liste finit par et Saul. Alors, je vous pose la question. Saul était-il prophète dans ce domaine-ci, ou bien un prophète, ou bien un docteur? Parce que d'après ce que la Bible est en train de dire là, il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Puis on cite Barnabas. Maintenant, dites-moi, qui est Barnabas? Vous connaissez Barnabas, n'est-ce pas? Oui, Barnabas, c'est le prophète. C'est? Le compagnon de Paul. Bon, il est quoi pour l'église? Est-ce que les gens se mentent même ici aujourd'hui? Vous m'entendez, mes frères? Qui en est de parler alors? Ta connexion n'est pas bonne, mon frère. Ta connexion n'est pas bonne. Je crois que le frère Olivier de Chine, ta connexion n'est pas bonne. Donc, je t'entends pas du tout. Je ne sais pas si les autres ont le même problème ou c'est moi qui ai le problème ici. Alors, je pose la question, qui est Barnabas? Parce qu'il veut avancer pour répondre à la question. Je crois que c'est de mon côté que la connexion n'est pas bonne du tout. Le frère Abraham, est-ce que quand Olivier parle, vous l'entendez? C'est quand même curieux. Allô, vous m'entendez? C'est pas évident. Allô? Vous m'entendez? Alors, j'ai posé la question, qui est Barnabas? C'était le compagnon d'œuvre de Paul, non? Comme le cas de Jean-Marc, ou bien comme la diaconèse là, des Romains chapitre 16, verset 1, elle était aussi compagnon, non? Ouvrez donc à chapitre 4, verset 36. Mais il était apôtre, non? Ouvrons donc. Acte chapitre 4, verset 36. Or, Joseph, surnommé par les apôtres, Barnabas, c'est-à-dire fils de Consolation, Lévite, originaire de Chypre. Oui. Donc, c'est de lui dont on parle ici, n'est-ce pas? Oui. On continue. Ayant une position, l'a vendu et apporta le prix et le mit au pied des apôtres. Oui. Continue, frère. Mais un homme appelé Anania et Saphira, sa femme, oui, vendit une possession et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Mais Pierre lui dit, Anania, comment Satan a-t-il s'est-il emparé de ton cœur jusqu'à t'inciter à mentir au Saint-Esprit? Et c'est bon, frère, ou je continue? Continue, mon frère, continue. Et à ce serait une partie du prix de la possession. Si tu l'avais gardé, ne te resterait-elle pas? Et après qu'elle ait été vendue, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Et Anania, entendu ces paroles, tomba et rendit l'âme. Bon, maintenant on recommence. Qui est Barnabas? Oui. Bah, à la base, c'est Joseph, non? Oui. Ça, c'est un. Donc, Joseph, donc on l'a identifié. Les apôtres, à la base. Oui. Oui. À la base, c'est Joseph. Voilà. Alors, chapitre 14 maintenant. 6. Oh là là. Jésus-Christ, chez quelqu'un là. La personne qui a l'enfant qui ouvre sa soupape pour balancer là, qu'il ferme son micro. Maintenant, lisons le verset 6. C'est le verset 14 qui va nous intéresser dans ce livre de Actes chapitre 14. Donc, prenons le verset 6 à 14. On s'arrête là-bas. Je crois que, et puis, il faut qu'il réponde ça rapidement et puis on avance. J'espère que le frère Oswald qui a posé la question de nous suivre. Parce qu'il faut qu'il amène ça doucement. Alors, qui va lire donc aujourd'hui? Acte 14, à partir du verset 6. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils s'y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait... C'est terrible. Pardon. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycanienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Voilà. Encore le verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. D'après ce verset, Paul est quoi? Apôtre. Barnabas est quoi? Apôtre. Mais lisez le verset 12. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Qui portait la parole? Paul. D'après... Comment, ma soeur? Paul. D'après ce verset, Paul est quoi? Paul est apôtre. D'après le verset 12, il est quoi? Réalisez bien avant de répondre. Évangéliste. Regardez encore, verset 12. Réalisez encore. Il est évangéliste. Lisez encore, verset 12. Mercure. D'après le verset 12, il est quoi? Lisez bien. Ne vous pressez pas. Il appelait Barnabas Jupiter. Hein? Et Paul Mercure. Oui. Parce que c'était lui qui portait la parole. Paul est quoi d'après cette phrase? Ok, maintenant regardez-moi. Quelle est la définition d'un prophète? Un prophète, c'est un messager de Dieu. Donc, comme toi, tu annonces le message de Dieu, comme ça, tu es prophète, quoi? Non, pas absolument. Alors, donc, c'est quoi? c'est une histoire de la part de Dieu pour le peuple de Dieu. La définition du prophète, c'est quoi? C'est porte-parole du Seigneur. C'est porte-parole. Est-ce que c'est compliqué? Je ne sais pas comment il pose la question simple. Vous trouvez cela compliqué? Hein? La définition du prophète, Nubil, c'est porte-parole du Seigneur. C'est lui qui porte la parole. D'après le verset 14, regardez le verset 12 encore, réalisé. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Lui, il s'est mis pour qui? Paul. Donc, Paul. Est, d'après le verset 12, Paul est quoi? Prophète. Le verset 14 dit qu'il est quoi? apôtre. Chapitre 13, verset 1 dit qu'il est quoi? Chapitre combien, frère? Mais on a d'abord, c'est pas là, on a commencé aujourd'hui dans le chapitre 13, verset 1. En fait, je vous amène dans les écritures pour que vous voyez certaines choses. Vous voyez ça? Pour que vous voyez certaines choses. Alors, vous voyez effectivement que l'apôtre Paul, il faut faire attention avec lui. Voici Barnabas et Saul qui ont été mis à part par le Saint-Esprit et envoyés. La Bible dit que c'est pour ça qu'on a lu au chapitre 13, c'est-à-dire que Paul, Saul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit. Et c'est ça l'expression même du mot apostolos, qui veut dire envoyé en avant. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Par définition, c'est ça être apôtre. L'apôtre, c'est celui qui a été appelé par le Seigneur, envoyé en avant. Maintenant, première chose, il faut qu'on se comprenne très attentivement. Si quelqu'un a fréquenté, et il a gravi de les échelons en quittant d'évangéliste à pasteur, de pasteur à ceci pour arriver à l'apôtre. Celui-là n'est pas connu de la Bible. Ça, c'est clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce qu'il peut arriver même au niveau de l'apôtre, parce qu'il dépasse, mais il passe encore à Archbishop. Alors que Archbishop est normalement encore en bas des apôtres. Je ne sais pas quel genre d'embrouillon on a même sur la terre ici aujourd'hui. Alors, mais de toute façon, ce qui veut dire, c'est qu'un apôtre est appelé directement du Seigneur, comme un prophète. Parce que vous regardez, si vous regardez bien dans les Saintes Écritures, vous allez voir effectivement que dans l'Ancien Testament, les prophètes, ce que nous considérons comme apôtres aujourd'hui, c'était des prophètes de l'Ancien Testament. Parce que le ministère prophétique tel que l'Ancien Alliance le présente est différent du ministère prophétique dans le Nouveau Testament. Vous allez remarquer dans l'Ancien Testament qu'on ne voyait pas l'apôtre, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais quand vous regardez effectivement, Élisée est envoyé vers Azaël. Il fait le rôle d'un apôtre qui porte la parole pour aller apporter. C'est pour ça que ceux qui sont appelés comme les prophètes messagers, comme les apôtres, s'il parle des choses, vous allez identifier certaines personnes ici sur la terre. Ici-là. Mais de toute façon, regardez. Quand vous regardez les Saintes Écritures de façon claire et que vous n'avez pas le background qu'on vous a embrouillé, vous pouvez détecter directement. Mais dans le chapitre 13, vous remarquez que en même temps, on dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc, ça veut dire que ceux dont on a nommé là-bas, parmi eux se trouvent certaines personnes qui sont docteurs. Parmi eux se trouvent certaines personnes qui sont prophètes. Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis, on nomme parmi eux Saul. Et puis, subitement, on dit que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans ce chapitre 13, donc, on dit effectivement que Saul est soit prophète, soit docteur. Or, maintenant, si vous regardez son style d'enseignement, vous allez effectivement comprendre effectivement que, il a fallu qu'il soit un prophète pour recevoir des révélations profondes, des mystères de Dieu, parce que Dieu révèle ses mystères à ses prophètes. Puis, les explications qu'il en fait état montrent clairement que c'est un docteur qui doit connaître profondément les Écritures pour pouvoir les expliquer clairement avec le langage spirituel. Et par la suite, aller maintenant implémenter ça dans les vies des gens, il fait le rôle d'apôtre. Donc, en même temps, il fait le rôle d'un évangéliste, d'un pasteur, enfin donc d'un docteur, d'un prophète et d'un apôtre. Ces quatre-là lui incombent à l'apôtre Paul seul. Vous y êtes, frère? Amen. Amen. Maintenant, vous avez remarqué que Barnabas dont on parle qui marchait avec l'apôtre Paul, on dit que c'était l'apôtre Paul qui portait la parole. Barnabas, lui, on l'appelle fils d'exhortation. Il marchait seulement pour exhorter des gens. Souvenez-vous que, si vous lisez le chapitre 15, il y a quelqu'un qui a son métier, frère. Si vous lisez le chapitre 15. Donc grosso modo, il y a la différence dans les différentes manifestations et les différents appels concernant ce ministère-là. Mais maintenant, j'aimerais insister sur la connotation des pasteurs. J'aimerais donc qu'on voit cela, d'accord? Alors, mes frères, vous m'entendez? On t'entend très bien, frère. C'est voilà. Simple. Avant d'avancer dans ce domaine, je vais donc dire quelque chose. Si vous regardez de façon objective, Éphésiens chapitre 4, verset 11, j'espère que le frère qui a posé la question l'entend. Si vous regardez de façon objective, Éphésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible déclare qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Maintenant, regardez très attentivement. Le mot pasteur en grec, c'est poinem, qui veut dire berger. Vous avez moi? Dans les Saintes Écritures, donc dans la démonstration suivante, jusqu'à la sortie de la Bible, vous allez remarquer effectivement qu'en réalité, le titre de pasteur n'est réservé qu'au Seigneur Jésus-Christ, mais la fonction pastorale est excentrée dans la vie des anciens. si vous regardez de façon objective, vous regardez la Bible, je dis une fois de plus, si vous regardez la Bible sans regarder avec les backgrounds théologiques, vous n'aurez pas de problème. Si vous regardez avec le titre pastoraux, vous aurez des problèmes. Je recommence encore. Si vous regardez la Bible, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, où on dit, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, pour le perfectionnement. Vous remarquez effectivement que c'est cinq qui sont cités là-bas. On parle des cinq colonnes des ministères. Maintenant, regardez très attentivement que si vous regardez de façon, le titre de l'office n'est réservé qu'au pasteur. Alors, dans la Bible, pourquoi vous me regardez comme ça là? C'est pour bien te voir, mon frère. Comment, frère? C'est pour bien te voir. Pour me voir quoi sur moi? Nous voulons voir Jésus. Nous ne voulons pas voir Jésus. On voit Jésus, c'est clair. C'est pas son esprit qui parle là, frère. Alors regardez. Vous vous souvenez du livre de Zacharie, n'est-ce pas? Le livre de Zacharie, où il dit que frappe le pasteur, frappe le berger. Vous pouvez mettre berger ou pasteur. Parce que berger, le mot pour berger, c'est le même mot pour pasteur. Ça dit que poénem. Alors, vous remarquez, dans ce livre de Zacharie, il dit, frappe le berger et les brebis se disperseront. D'accord? Quand le Seigneur dit, dans le livre de Jean, chapitre 10, où chaque fois nous disons, je suis le bon berger. Il a dit, je suis le bon pasteur. D'accord, parce que c'est le même mot. Non, littéralement, on pouvait traduire par « Je suis le bon pasteur ». Le pasteur donne sa vie pour ses brebis. N'est-ce pas, vous comprenez? Alors, quand il est en train de parler de sa sortie du monde et que les disciples étaient en train de discuter, les autres, l'apôtre Pierre dit que cela ne t'arrivera pas ainsi de suite. Je vais me battre pour toi jusqu'à la fin là. Il a dit que je serai pour vous un scandale aujourd'hui, car selon qui il est écrit, frappe les brebis, le pasteur et les brebis se disperseront. Vous voyez, effectivement, c'est de lui dont il est question. Donc, déjà d'abord, dans Ephésiens chapitre 11, chapitre 4, verset 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est ce qu'il dit. Donc, je recommence encore, vous voyez que vous comprenez bien ce que ça nous dit. Il dit que c'est cinq catégories qui sont nommées. 1, apôtre, 2, prophète, 3, évangéliste, 4, pasteur, 5, docteur. Mais voici ce que je viens d'expliquer. Dans la suite de la chose, vous allez voir des exemples des apôtres dans la Bible. Pour les apôtres, vous les connaissez tous. Il y en a plus de 21, presque 21, oui, 21 apôtres nommés dans la Bible. De l'autre côté, vous voyez les prophètes. Et vous pouvez voir effectivement le ministère prophétique de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, et principalement des prophètes Agabus. Dans le livre des 1 Corinthiens, enfin, le livre des Actes apôtres, je ne sais pas si je vais vite là. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30, vous voyez effectivement que des prophètes vont descendre. Et je crois que dans ces chapitres 13 que nous avons lu, vous avez vu effectivement qu'il y avait des prophètes. Donc les prophètes étaient nombreux. Maintenant, dans le chapitre 15, on va aussi voir que Jude, qui a écrit le livre de Jude, était un prophète. Parce que c'est à lui qu'on a distribué avec Barnabas. Et c'est Jude-là aussi été appelé Barnabas. J'espère que vous savez cela. Alors, c'est à lui qu'on a confié la mission avec Silas d'aller distribuer la pensée de la réunion du concile de Jérusalem par rapport aux viandes sacrifiées et ainsi de suite. Donc, lui-même, il était prophète. C'est pour dire, effectivement, qu'on voit effectivement des exemples des prophètes dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, sans voir des prophètes. C'est un autre père de moi. J'espère que le frère n'a pas posé la question là-dessus. Nous voyons donc des apôtres, nous voyons donc des prophètes, nous voyons un cas précis d'évangéliste appelé Philippe dans le livre des Actes Apôtres chapitre 8 et Actes Apôtres chapitre 21, le verset 8. La Bible dit clairement que nous entrons chez Philippe l'évangéliste et nous logeons chez lui. Écoutez très attentivement, après avoir dit ces choses, je vais vous dire quelque chose qui a une connotation spirituelle mais qui renverse certaines pensées maintenant. Je crois qu'il faut qu'il note cela. Parce que vous n'allez pas m'échapper avec ça aujourd'hui là. Alors, regardez. J'espère que jusqu'à présent, j'espère que vous me comprenez. Je suis en train de dire que les cinq qui sont nommés ici dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, on voit les exemples des prophètes, enfin des apôtres, des exemples des prophètes, des exemples d'évangélistes, des exemples des docteurs. Vous voyez cela? Ouvrez le livre vous voyez les exemples des docteurs dans les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Dans le livre de Tite chapitre 3, on parle des docteurs Zénas et autres là-bas, les docteurs de la loi, ainsi de suite. Alors, maintenant, vous voyez effectivement que... Jacques, non, frère? Oui. Le mot docteur... Jacques. Oui, Jacques également. Le mot docteur là-bas, quand vous voyez le mot docteur, c'est le même mot pour enseignant, dont les enseignants. D'accord? Voilà. D'accord. Et dans le livre de Jacques, chapitre 3, effectivement, il dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner, que des gens qui se proclament comme le docteur. D'accord, mes frères? Alors, regardez bien, vous ne verrez pas une trace... Vous ne verrez pas des traces des exemples des pasteurs. Alors, quel est le vrai problème? Quel est le vrai problème? Écoutez-moi très attentivement. Merci, Père. Regardez. Dans la structure de l'église, et ça, c'est l'une des choses qui fait qui détermine ce que les gens commencent à entrer dans la dérive comme ça. Le mot pasteur qui est mis là-bas, le titre de pasteur, n'est pas inculqué à un être humain sur la terre. Mais la fonction, c'est-à-dire le style de façon de faire du pasteur principal, est inculqué dans un groupe de personnes. Ce groupe de personnes est appelé la Sainte Écriture, dont les anciens. Et donc, vous voyez effectivement que si on n'a pas compris ces choses, c'est donc normal que vous voyez effectivement quelqu'un se lève, qui dit qu'il est apôtre, qui nomme ses anciens, il nomme ses pasteurs, il nomme ses gens, et il est à la tête, vous voyez la forme pyramidale. Parce qu'ils n'ont pas compris en fait que c'est un groupe du même corps. C'est-à-dire que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, vous voyez effectivement que s'il y a des gens qui coiffent au-dessus de tout, et ce qui est normal même d'abord, parce que la personne qui porte ce titre-là, celui qui coiffe l'église, ce sont des pasteurs. C'est-à-dire quoi? Des anciens. Donc, la communauté chrétienne est dirigée normalement par la classe des anciens. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ok. Maintenant, comme c'est dans la classe des anciens à eux de diriger, ça va nous dire que, remarquez très attentivement, notez aussi, je crois qu'ils sont allés vraiment, je vous regarde sur l'écran pour voir vraiment sur mes essais, c'est pour ça qu'ils vont ralentir comme ça. Dans Acte chapitre 20, à partir du verset 17, Acte chapitre 20, verset 17 jusqu'au verset 35, notez et puis vous aurez le temps de lire là-bas. Dans Acte chapitre 20, donc, l'apôtre Paul, enfin, Paul, l'apôtre, il dit, il envoie à Milet chercher les anciens de l'église. Il dit effectivement que le troupeau a été confié par le Saint-Esprit à qui, frère? Aux anciens. D'accord? Je crois que c'est mieux de lire. Qui va nous lire ça? À partir du verset 17 au verset, on va s'arrêter au verset 29. Mais notez jusqu'au verset 35. Celui qui a la connaissance qui plus qui est bonne, plus lire, s'il vous plaît. Et si quelqu'un nous écoute, cependant, il écrit les versets là-bas dans le forum. Oui. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Stoppons là-bas. Attends, relis encore le verset. C'est quel verset là déjà? 28. Là, c'est le verset 28. Relis encore cela et on va voir quelque chose. Écoutez très attentivement. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Stop. Maintenant, on va commencer à commenter. Regardez-moi. Vous voyez mes yeux, n'est-ce pas? Vous voyez mes yeux, frère. Oui, ça veut dire d'après le verset. Vous n'entendez pas bien. On ne voit pas bien tes yeux parce que voilà, là on voit mieux. Voilà, vous voyez mieux, n'est-ce pas? Oui. Alors, d'après, on ne te voit pas. d'après le verset, toi-même qui lis, même je ne te vois même pas là pour commencer. D'après le verset 28, l'apôtre Paul est en train de donner garde, puisqu'il dit ici qu'il a établi, il a donné tout le conseil de Dieu. Vous voyez, les différentes phrases et les mots qui sont donnés et dévoilés vont donner la définition de ce qu'est un porte-parole du Seigneur et de ce qu'est l'apôtre. On va y revenir. Mais restons dans le cadre des gens à qui il est en train de s'adresser. Regardez encore le verset 17. Lisons le verset 17. Vous allez entourer, préparez-vous à entourer maintenant. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Soulignez les anciens de l'église. Vous avez souligné? Anciens de l'église. Vous voyez donc que c'est dans la continuation. Notez chapitre 1, verset 5 à 8. Merci, Père. Et 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 7. Notez Tite chapitre 1, verset 5 à 8. Et le livre d'1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 7. Vous avez noté, je continue. Voilà. Voilà, regardez une fois de plus. Le verset 17 dit que c'est pendant des millénaires, il envoya chercher les anciens de l'église. Les anciens de l'église. Puis au verset 28, donc, on dit quoi, mon frère? Prenez garde. Au verset 28, on dit, prenez donc garde à vous-même, oui, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, oui, ou paître l'église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Donc c'est le sang de Dieu qui a été versé pour acquérir cette église. Et le Saint-Esprit se donne le devoir de positionner sur l'église, comme conducteur, les dirigeants, des groupes de personnes qui doivent conduire cette église à la perfection comme il veut. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et il les appelle ici Évêque, oui, ça, c'est surveillant dans le grec. D'accord? Parce que le mot pour évêque, que vous traduisez là-bas, dans le ancien et évêque, vous voyez effectivement que ici, c'est le mot interchangeable. Parce que les personnes qu'il appelle ancien au verset 17, les mêmes personnes qu'il appelle ici par évêque au verset 28. D'accord? Mais maintenant, vous voyez effectivement que quelqu'un aujourd'hui se lève, il dit qu'il est ancien. À un moment donné, vous dites que non, il a quitté d'ancien à évêque. Je ne sais pas quel genre de Bible les gens lisent. Vous entendez qu'il y a des promotions dans l'église évangélique, des promotions dans l'église protestante. Vous dites, c'est quoi? Il dit que mon père est passé d'ancien à évêque. Mais regardez, les gens qu'il a appelés, ce sont des anciens. Il a envoyé Timothée, va me chercher les anciens. Quand les anciens sont devant lui, il a commencé à leur expliquer. Vous savez que je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement dans les maisons. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans vous en rendre caché. Maintenant, dans ce cas, prenez garde sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous qui êtes devant moi, établi évêque, surveillant. Donc, évêque, ça veut dire surveillant. Vous voyez cela? Donc il ne faut pas confondre presbytérion à. Comment le frère s'y me regarde comme ça là? Regarde-moi le frère. Le papa Abraham est tranquille, il me regarde comme ça. Le principe est révélation d'un seulement. Je crois que. Il faut que vraiment j'aille vraiment doucement ici pour que vous me saisissez bien. Pour que les gens qui s'est posé ces questions, ce sont ces choses qui ont embrouillé. Vous allez voir maintenant les titres. C'est un titre au milieu chrétien qui ne se figurait pas. Vous allez voir archevêque. Au milieu chrétien, ça ne se donne pas. Vous allez voir cardinaux. En tout cas, ce n'est même pas au milieu chrétien. C'est au milieu paganisme porté en blanc. Voilà. Alors, mais le problème, c'est que vous allez voir comment dans quelle possibilité. Ça veut dire quoi? Ça vient d'où, ces choses-là? Alors, nous avons un problème ici. Le problème, c'est que les personnes, le groupe de personnes appelées anciens, c'est ce même groupe de personnes qui sont appelées évêques. Et donc, si vous lisez le 1 Timothée que je vous ai donné là, le chapitre 3, il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, la charge d'un évêque, la position, la fonction d'un évêque, il désire une œuvre excellente. Puis, il donne les conditions à remplir, 19, pour être qualifié d'évêque. Pas que tu vas faire, et dans toutes les 19 conditions, il n'y a aucune condition de fréquenter 7 ans. Vous avez lu ça quelque part, frère? Il n'y a aucune condition de porter la robe blanche. Il n'y a aucune condition de... Oh mon Dieu, quelle église nous avons aujourd'hui. Alors, les évêques donc sont... Souvenez-vous de là, on en est de partir. Je suis en partir pour vous montrer qui sont les pasteurs en réalité. Donc ici, l'apôtre Paul nous explique par le Saint-Esprit que les évêques sont ceux à qui l'église a été confiée. L'église a été confiée aux évêques, principalement. Il a utilisé le mot... pour paître l'église de Dieu. Paître, ça veut dire les nourrir. Or, le berger, quand il fait sorte, si vous regardez effectivement dans le livre des Jean au chapitre 10, on dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous voyez, quand il fait sortir ses brebis, il les fait aller dans le pâturage, le vert pâturage. Quand il part dans le pâturage, c'est pour les faire quoi? C'est pour les faire paître. Donc, comme le berger fait paître les brebis, les évêques, les anciens ont la responsabilité de faire paître les brebis du Seigneur, c'est-à-dire les nourrir avec de la nourriture correspondante pour leur maturité. Vous savez, n'est-ce pas, frère? Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que et la fonction des pasteurs, c'est la fonction des évêques. C'est la fonction. Mais aucun pasteur, aucun évêque n'a le titre des pasteurs. C'est ça le vrai problème. Amen. C'est-à-dire que, enfin, il y a quatre passages qui parlent des pasteurs dans les Saintes Écritures, d'accord? Il y a Éphésiens chapitre 4, verset 11, dont nous avons lu. Vous y êtes? Vous avez noté, n'est-ce pas? Oui, il y a Hébreux chapitre 13, verset 20, que nous allons lire maintenant. Et puis, il y a deux passages dans le livre de 1 Pierre. Chapitre 1, chapitre 2, verset 25 de 1 Pierre. Puis, le chapitre 5, verset 4. Donc, en gros, il y a quatre passages qui parlent des pasteurs de façon directe dans le Nouveau Testament. Je recommence encore. Il y a Éphésiens chapitre 4, verset 11, là où nous avons commencé à lire. Puis, il y a Hébreux chapitre 13, verset 20. Et ensuite, il y a 1 Pierre chapitre 2, verset 25 et 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Donc voilà les quatre endroits dans le Nouveau Testament où on parle des pasteurs. Pour ce qui est d'Éphésiens chapitre 4, nous voyons effectivement qu'ici ça se réfère aux hommes. Mais le vrai problème, c'est que dans la suite de la Bible, nous ne voyons nulle part un exemple d'un homme appelé pasteur. Mais pourtant, les quatre autres, ça se trouve dans les Saintes Écritures. Quel est le problème? Sachez que le 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, ce sont les dons hommes que Dieu a donné au milieu des gens par sa grâce pour que les saints gens se puissent paître l'église de Dieu. Mais le vrai problème, c'est que dans les Saintes Écritures, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui s'appelle pasteur. Mais par connaissance, je ne sais pas comment on veut, par la religion aujourd'hui, tout le monde qui prêche, on les appelle pasteurs. N'importe qui, vous allez on dit pasteur. Vous êtes obligé souvent même de dire à quelqu'un que je suis pasteur pour qu'il comprenne, pour qu'il vous laisse tranquille. Si tu ne dis pas pasteur, il ne veut pas te laisser tranquille. Tu prêches un peu comme ça, on dit oh, pasteur, tue-nous. Et l'un de vous tuer. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous voyez effectivement que dans la Bible, il n'y a pas un homme appelé pasteur. Mais si on nous dit que le titre de pasteur est réservé au Seigneur, vous allez comprendre pourquoi, en réalité. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que s'il y a un homme appelé pasteur, en réalité, c'est il prend le titre de Jésus pour s'élever au-dessus des brebis. Mais la différence maintenant, c'est que la fonction, Dieu a délégué la fonction de paître des brebis, comme lui le ferait pour l'Église, au groupe des anciens pour que personne ne vienne s'élever au-dessus. Parce qu'en réalité, c'est Christ, comme Colossiens chapitre 1, verset 17, nous dit que Christ est la tête du corps de l'Église. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est lui la tête. Alors maintenant, avec ce mélange-ci des titres, des titromanières, des titrographies dans les Saintes Écritures, enfin, pas dans les Saintes Écritures, dans l'Église contemporaine, nous voyons donc plusieurs têtes. Vous allez voir quelqu'un qui sera tête de son église, ce qu'il appelle église architecturale africaine. L'autre sera la tête dans l'église continentale. L'autre sera la tête dans son domaine, ainsi de suite, ainsi de suite. On aura plusieurs têtes et ils vont être coiffés par un grand, ils appellent généralement ça en anglais, general overseer. C'est le général qui voit tout au-dessus de tout. Et vous voyez effectivement que ça n'est pas biblique. Cette architecture pyramidale-là n'est pas biblique, ça ne vient pas des dieux. Ça, c'est un système babylonien. Et vous voyez effectivement ce système-là, vous voyez effectivement que ce système est copié de l'église catholique, où le pape est quelque part, il a ses archevêques, ses cardinaux, plus les cardinaux, les archevêques, les sous-archevêques, et les autres choses qui vont mélanger là-dedans. Mais l'architecture de l'église, c'est ceci, c'est que Christ est en même temps la tête, en même temps son corps constitué. Et puis là, se trouvent donc les personnes à qui il a délégué. Quelqu'un a parlé? Et il y a donc des groupes de personnes qui se trouvent inscrites dans ce corps-là. Remarquez très attentivement que les anciens ne sont pas en dehors du corps. Quelqu'un de les parler. Il y a un micro qui est ouvert et quelqu'un de les parler. Je ne sais pas si quelqu'un de vouloir parler. C'est une musique mon frère. Donc je t'en ai dit donc que dans le corps de Christ, le corps de Christ et les autres sont constitués de membres. Et dans ces membres, sa fonction à d'autres arrive en maturité. Cette fonction donc de faire paître et ces groupes appelés les anciens, c'est eux qu'on connote ici dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Avec titre, mais avec la fonction de le premier. Lisez le livre d'Éphésiens chapitre, c'est Hébreux, je crois. Je vous ai donné Hébreux, je dis chapitre 13, le verset 20. Bien c'est ça, n'est-ce pas? Chapitre 13, verset 20. Puis nous allons lire 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Puis nous allons lire chapitre 5 verset 4. Il y a un pasteur là-dedans. Qui peut lire donc? que la personne qui se dit pasteur et la personne qui est dans la... C'est totalement différent. Donc, il n'y aura personne qui... Par exemple, regardons très attentivement. Je dis qu'il est pasteur. Vous dites, ok, trace-moi la Bible. Il ne pourra pas s'en sortir parce qu'il n'y en a pas. Est-ce là? Vous posez la question à chaque pasteur que tu es quoi? Il dit pasteur. Tu dis, oh, dis ce qu'est un pasteur, le rôle d'un pasteur bibliquement, pas d'après votre théologie. Donc, un pasteur, il ne pourra pas s'en sortir parce qu'il n'est nulle part écrit ce qu'un pasteur doit faire dans la Bible. Vous là, n'est-ce pas? Il ne pourra pas s'en sortir. Dans l'église du Seigneur, ce n'est pas défini ainsi. Mais lorsque pastoral a été délégué, à cet instant-là, on voit effectivement le chemin portant des anciens. Mais curieusement, vous entendez aujourd'hui quelqu'un dit qu'il est pasteur principal et celui qui nomme les anciens. Il se tourne là-bas sur le pupitre et dit, voici mes anciens que j'ai nommés. Si vous faites bien là-bas et que je vois que je juge que vous êtes bien, je vais vous nommer ancien. Et on nomme généralement les anciens comme ça, ceux qui ont de l'argent, ceux qui travaillent dans les grands postes, ceux qui soutiennent l'église. Et ça ne va pas, on nomme même les femmes dedans parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a pas de sexe, ainsi de suite. Mais entre-temps, ils sont mariés. Bon, de toute façon, lis-nous ça, mon frère. Acte Hébreux, chapitre Hébreux 13, 13, verset 20. Hébreux 13, verset 20. Ici. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Alors, qu'il maintenant, non, c'est bon, c'est le verset 20 qui demande que tu lises. Remarquez bien que dans sa version, on a dit que le grand berger des brebis. Oh, le frère Abraham est en train de nous voir là maintenant. Qu'est-ce qui t'écrit dans ta version? Le même verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Oui, vous voyez effectivement que les deux versions disent la même chose. Mais l'un a mis le grand berger, l'autre a mis le grand pasteur. Parce qu'en réalité, c'est le mot grec pour pasteur, c'est le même mot grec pour berger. On ne peut pas changer. C'est poinem. En grec, poinem, ça veut dire berger, ça veut dire pasteur. Donc, ça veut dire que les deux traductions sont bonnes. Donc, ici, on appelle Jésus le grand pasteur. C'est par conséquent, dans Jean chapitre 10, quand vous voyez, je suis le bon berger. Il a dit, je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire que les pasteurs, pas étonnant que si les pasteurs si les gens commencent à prendre le titre de Jésus, ils commencent à dire maintenant les fidèles, ils appellent les fidèles leurs brebis. Vous voyez effectivement, parce que dans ces connotations, ils confondent même les rôles. Et finalement, ils prennent la place de Jésus sans en rendre compte. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un, il pouvait appeler quelqu'un et dire, sache que tu es ma brebis. Or, nous savons très attentivement que et les gens qui dirigent, et nous qui sommes les simples chrétiens comme nous autres, nous sommes tous les brebis d'une seule et même personne, le Seigneur. Parce qu'il a dit que c'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Or, aucun pasteur, aucun dirigeant sur la terre n'a donné sa vie pour une autre personne. Nous sommes d'accord là-dessus, frère. Tout à fait. Alors, celui qui a donné sa vie pour nous, c'est nous. Nous sommes ses brebis à lui, pas les brebis d'une autre personne. Je suis en train de dire que c'est cette confusion de positionnement dans le corps qui fait de telle sorte que les gens commencent à prendre le titre du Seigneur sans s'en rendre compte. Et par conséquent, ils commencent à utiliser le langage du Seigneur qui lui est réservé propre pour son honneur sans s'en rendre compte. Et vous, effectivement, que c'est un pasteur qui dit que sache que tu es ma brebis. Tel pasteur a volé mes brebis. Vous comprenez effectivement où on se trouve là, frère. Vous comprenez tous ces gâchis que nous avons aujourd'hui. Et pour compléter un peu ce que tu dis, frère, c'est très vrai ce que tu dis. Parce que même ici en Europe, la plupart des dénominations, c'est que chacun a ses brebis, quoi. Oui. C'est que quand tu pars dans une autre assemblée, tu vas être tellement persécuté que voilà. Oui. C'est grave. C'est vraiment grave. Ce que tu dis là, vraiment, c'est ce qu'on vit ici en Europe. C'est grave. Toi, par exemple, ICC aura ses brebis, telle autre dénomination aura ses brebis. Ce qui fait qu'ils ne se partagent pas les brebis. C'est terrible. Ils disent c'est leur brebis. Ils disent c'est leur brebis. Mes frères, et quand on sera au ciel, si on y va, comment on va faire avec les. Quand on va se voir au ciel là-bas, chacun aura son compartiment. Peut-être qu'ils vont commencer à construire même les maisons en barrière là-bas. C'est-à-dire qu'ils vont voir les différentes mansions, différentes maisons là-bas, où le Seigneur s'aimait les fleurs pour qu'on puisse se partager ensemble quand on vient se reposer. Les gens vont commencer à se demander, mais Seigneur, on peut couper la branche d'arbre là pour faire les piquets, pour mettre des barrières ici, parce qu'on veut qu'on mette les bornes. Donc, c'est celui là que nous avons. Mais je crois que les questions telles que notre frère bien-aimé a posées là, c'est très important pour éclairer certaines choses, pas vrai? Continuons. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et l'évêque de vos âmes. Voilà. Pasteur et l'évêque de vos âmes. Vous voyez effectivement qu'on a cité pasteur et l'évêque. Et parce qu'en réalité, Le mot évêque là-bas, c'est parce qu'on a mis gardien. Je crois que quelqu'un, de, quelqu'un a une autre version, une autre, qui veut lire, parce que c'est le mot gardien. Moi, c'est car vous étiez comme des brebis errantes, oui. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Voilà, donc c'est bien. Merci pour ces différentes versions. Vous voyez effectivement que ici c'est dans la version de notre frère Abraham, c'est pasteur et évêque. Parce que évêque, c'est quelqu'un qui suivait. Parce que vous vous souvenez que dans le livre des Apôtres tout à l'heure, au chapitre 20 que vous avez lu, il est dit dans ce verset 28 là-bas que ces gens doivent garder, doivent suivre, doivent veiller. Parce que c'est le rôle d'un évêque. Le rôle, ça veut dire surveillant. Je ne sais pas si vous saisissez. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Super. Alors donc, oui, oui, frère. C'est limpide, c'est limpide. Voilà. C'est comme l'eau de roche. Mmh. L'eau de roche de Meriba, c'est ça? Alors, donc vous voyez effectivement que c'est alors, tant qu'on n'a pas compris ces choses, on va commencer à prendre les choses de Dieu et faire n'importe quoi avec. Mais il faut qu'on fasse attention. Si ces questions sont positionnées, sont posées, c'est parce qu'en réalité, c'est tellement, il y a des embrouilles. Et ces embrouilles-là, nous en voyons aujourd'hui. Nous voyons effectivement que quelqu'un quitte d'un poste, enfin, pas, d'une fonction à une autre fonction. C'est parce que nous voyons aujourd'hui, frère. C'est ça. Vous voyez effectivement quelqu'un qui dit qu'il est sorti de l'école pastorale. Il est quoi? Il est évêque. Un de ces jours, vous entendez qu'on a de l'eau consacrée encore de nouveau. Vous dites qu'il est quoi? Il dit maintenant qu'il est pasteur. Vous dites, mais. Et ça, c'est, ça devient récurrent dans le corps de Christ, au point où on ne sait plus qui en est fait quoi. Mais ça, le vrai problème, c'est que ces gens-ci, les choses qui sont établies sur la terre par les hommes, ont fait des temps en que ils ne comprennent pas que dans la Bible, ils ont mis la tradition des hommes à la place de la parole du Seigneur. Parce que la parole, ni encore moins les cérémonies de consécration qu'on fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la Bible. Parce que ce n'est pas comme ça que les fonctions, les pasteurs entrent dans leur charge. Chacun sent comme il l'a appelé, il va dans une école de théologie, et selon le groupe, selon les affiliations, d'autres même encore plus graves, appellent les anciens pour qu'on puisse le reconnaître. Ils appellent les gens du Nigeria, de Côte d'Ivoire, de la France, des États-Unis. On dit que non, cette personne, c'est l'archevêque métropolitain. On lui verse l'huile devant ses fidèles pour qu'on puisse comprendre maintenant qu'on a reconnu la charge des apôtres, d'autres même encore plus graves encore, achètent même ce titre-là. Ils vont acheter des collègues, des gens qu'ils connaissent, et ils donnent de l'argent, 3000 euros même souvent, pour qu'on puisse les consacrer apôtres. Je ne sais pas si les hommes réfléchissent effectivement que devant Dieu, on ne peut pas corrompre le Seigneur. Et que c'est et le plus grave, c'est que c'est lui. Ouvrez, finissez à Éphésiens, je peux dire ça, on va quelque part. Et frère, tu parlais là tout à l'heure, en même temps, ça me venait à l'esprit là. Oui. On remarque même quand le Seigneur devait être crucifié, il a passé, le contrôle devant Anne, le grand prêtre. Oui. Il est passé devant Ponce Pilate et on l'a toujours trouvé juste. Mmh. Et il était digne d'être sacrifié. Oui. Donc quand tu parles ça, ça me rappelle un peu que justement, comme tu parlais, pour être justement dans la, de cette fonction d'évêque, oui. On donne les différentes qualifications qu'il faut avoir pour remplir cette fonction. Oui. Et on remarque que Jésus-Christ, notre maître, justement, même avant d'être crucifié, à passer justement toutes ces étapes-là. Mmh. Il a été trouvé juste. Oui. Juste oui. Pour. Enfin, il est digne de recevoir tout cet honneur-là, n'est pas vrai? Parce qu'il est le vrai épiscope. Épiscopos. D'accord? Parce que c'est ça le mot pour surveillant. Celui qui surveille, celui qui veille, celui qui surveille. Mais aujourd'hui, on a ce que j'appelle les surintendants généraux. Tu dis, frère, ça veut dire quoi, surintendant général? Il est souverain des secteurs de l'église ecclésiastique dans la zone synodale des mots pour nous embrouiller. Que Dieu nous vienne vraiment, vraiment en aide. Pas vrai? Des surintendants général. Des surintendants. Donc, deux mots grecs. Vous voyez effectivement que dans, comme je disais tout à l'heure, dans le livre d'Éphésiens, chapitre, dans le livre des Actes, après que nous avons commencé à lire le chapitre 20, verset 17, il dit, pendant des millénaires, Paul a envoyé appeler les anciens de l'église. Le mot ancien là-bas en grec c'est presbyterios. Vous voyez là, n'est-ce pas? Et vous voyez effectivement que ce sont les gens qui sont matures dans la foi. Parce qu'il y a deux fonctions, deux styles d'anciens. Il faut que vous compreniez dans la Bible. Il y a les anciens qui le sont par maturité. Les autres, parce que d'autres qui sont avec les cheveux blancs. On peut être mature spirituellement en étant jeune physiquement, dans l'âge. Vous voyez? Et donc, dans le chapitre 20, verset 17, il est question de presbyterios. C'est-à-dire que ce qu'on a traduit en français par ancien. Et dans le verset 28 que nous avons lu là, il parle de chapitre 20, verset 17. Et le verset 28, là, nous sommes arrêtés. Au verset 28, il est question d'épiscopes. Les épiscopes, donc les surveillants. Et le mot d'évêque, c'est ceux qui suivaient par-dessus. C'est-à-dire que, un peu comme quelqu'un qui montera sur un tour pour veiller vous savez, quand vous voyez les prisons, ou bien les camps militaires, ou bien les camps militaires, on construit un endroit un peu plus haut que les autres pour suivre tout autour s'il n'y a pas quelqu'un qui s'échappe, et ainsi de suite. Dans l'ancien Jérusalem, enfin, l'ancienne façon d'agir, on construisait comme ça. Voilà, les sentinelles montaient là-bas au-dessus pour pouvoir surveiller. Donc, c'est cette fonction-là que les évêques remplissent dans l'église. Or, maintenant, ce que les gens sont censés remplir comme fonction, c'est plutôt eux. C'est-à-dire qu'ils doivent surveiller pour veiller sur le troupeau, à ce que les doctrines puissent être données pour que les brebis puissent grandir. C'est-à-dire qu'en réalité, ils doivent les conduire vers le pâturage. C'est plutôt eux, justement, qui sont de connivence avec Lucifer pour faire entrer plutôt l'ennemi dans le troupeau, si eux-mêmes ne sont même pas déjà les ennemis. On avance. Alors maintenant, lisez 1 Timothée chapitre 5, cette fois-ci le verset 4. 1 Timothée chapitre 5, verset 4. Nous avons lu Éphésiens chapitre 4, nous allons y revenir. Nous avons lu Hébreux chapitre 13, verset 20. Nous avons lu 1 Pierre chapitre 2, verset 20. Maintenant, nous lisons le chapitre 5, verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Les deux personnes qui lisent chaque fois là-bas, lisez dans vos deux versions, comme ça va nous arranger. Mais si une veuve a des enfants ou... Celui-ci, toi tu lis où là maintenant, mon frère? Toi tu lis où? Nous sommes dans Pierre chapitre 5, verset 4. Je vous ai donné ça tout à l'heure. Un Pierre. Oui, on est en train de lire les successions des versets qui concernent les pasteurs. Verset 4. Oui. Et quand le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Voilà. Maintenant, regardez bien, regardez, ça va être un bel exemple pour si quelqu'un essaie de tourner la Bible n'importe comment ici, mais pas s'en sortir. Mon cher frère, prends depuis le verset 1, on va lire depuis le verset 1. 1. La personne qui a donné l'instruction, à qui il a donné l'instruction, et puis on va voir jusqu'au verset 4 ce qu'il a donné, quel tournure il a pris. Non, je crois qu'il y a un enfant qui a parlé là-bas, c'est Isaac qui a demandé à ce qu'on parle au sacrifice de mon Morija. Où est le frère Yannick? Je suis là. Ok, lis-nous dans ta version, le temps que le frère plus dit à Isaac que le sac de Dieu, c'est pouvoir à lui-même. Oui. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, voilà, mais étant les modèles du troupeau. Voilà. Ouais, et là, il dit donc que quand le... Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Et vous voyez effectivement que l'apôtre Paul, Pierre l'apôtre, est en train de mettre ici en contraste la fonction du Seigneur Jésus-Christ qu'il a délégué à ces groupes d'anciens, pas vrai? Maintenant, pour vous autres qui lisez la Bible véritablement, j'appelle à votre intelligence maintenant. Lorsque l'apôtre Pierre avait rejeté le Seigneur Jésus-Christ par trois fois et que plus tard il avait dans le livre des Jean là maintenant chapitre 21 et qu'il plus tard il allait pécher, le Seigneur Jésus-Christ les a trouvés là-bas. Quand il a dit Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci, il a dit Seigneur, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce qu'il a dit frère? Père mes brebis. Père mes brebis. Par cette appellation de Père mes brebis, le Seigneur confiait la charge qu'il lui il avait pour les brebis. Mais vous ne voyez jamais dans la Bible que l'apôtre Paul, l'apôtre qui s'appelait pasteur. Non, mais ici dans le chapitre 3, dans ce 1 Pierre chapitre 5, il dit, voici les exhortations que j'adresse, il n'a pas dit aux pasteurs, aux anciens qui sont parmi vous. Dont les anciens sont parmi, les anciens ne sont pas au-dessus. Il n'a pas dit que les anciens qui sont au-dessus de vous. Il a dit parmi, parce que nous sommes dans le même corps. C'est les fonctions qui nous diffèrent les uns des autres, selon les grâces. Alors il dit, percez le troupeau qui... Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Puis il dit, moi, ancien comme eux. Vous avez vu cela, frère? Tout à fait. Donc, c'est clair et net. Donc Pierre, l'apôtre, est aussi quoi? Un ancien. Et il fait quoi? Il fait paître les brebis comme le Seigneur le lui a rappelé. Dans 1 Pierre chapitre 1 et chapitre 2, il va dire plusieurs fois dans sa lettre, dans le deuxième lettre par exemple, il dit, voici déjà la deuxième fois que je vous exhorte, dans l'une et dans l'autre, je tiens à attirer votre sainte intelligence. Et il dit clairement que c'est un devoir pour lui de le faire, parce qu'il sait que bientôt il va quitter cette tente comme le Seigneur lui a révélé. Pas vrai, frère? Mais il sait qu'avant qu'il ne quitte, il faut qu'il garde notre sainte intelligence en Christ. Donc c'est pour ça qu'il fait ses avertissements, bien qu'on les connaissait encore. Ouais, la fonction qu'il est en train de faire, non? Or, Pierre n'a pas dit, moi, le capitaine de l'équipe qui suis au-dessus de vous, moi, l'apôtre qui vous est établi, que non, c'est cela. Il dit que moi, ancien, il n'a pas dit ancien au-dessus d'eux. Il n'a pas dit sa part d'ancien est supérieur à l'autre, leur ancien. Il a dit ancien comme eux. C'est-à-dire que même égalité, même grâce, même fonction. Dans la même fonction, mais à des appellations différentes, ou mieux, à des orientations différentes. Encore que, il y a des anciens qui dirigent bien, dit la Bible. Il y a des anciens qui sont censés diriger bien. Où est-ce là? D'autres anciens encore qui sont attachés aux enseignements. Il y a des anciens qui sont là seulement pour diriger bien, dit les Saintes Écritures. Et d'autres anciens qui sont là pour enseigner, qui doivent veiller sur les enseignements. Où est-ce que l'Église est? Je peux d'abord applaudir le Saint-Esprit parce que c'est un éclairage particulier que tu sors là. Franchement, c'est trop fort. Bon, esprit, comment le Seigneur. Esprit, ça, c'est un éclairage limpide. Je crois que le cœur de notre frère est à la joie, comme ceux des maïs, là, Luc chapitre 24. On n'aurait jamais pu désirer ça, frère. Parce que quand tu es parti dans le genre, là, c'est là que tu comprends la totalité. Amen. Tu vois, c'est limpide. Amen. C'est comme l'eau qui coulait sur le mont Moriba là-bas. Mont Moriba, c'est ça. La raison. Le temps pour nous de dire bon arrivée à la sœur Rizienne d'Arabie Saoudite. La sœur Rizienne. Nous avons les gens comme toi, frère. Non, tu es là. Tu es là, mon cher frère, ne t'inquiète pas. Tu es là. Quand je vous écoute, je suis béni. Je suis vraiment béni. La sœur Rizienne, bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Julien. Que le Seigneur te bénisse. Et merci. Amen. Que le Seigneur te bénisse. La sœur Carole Châtelon, bonjour et bienvenue. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Alors, donc, nous voyons dans ce livre de... Dans ce pied. Maintenant, si vous prenez... Vous faites un flashback dans le livre d'Ézéchiel. Enfin, Ézéchiel au chapitre 34. Vous allez voir des différentes choses qu'on parlait des bergers là-bas. Ce qu'ils devaient faire. Mais ils ont dépouillé le troupeau. Ils ont pris ce qui est grâce ainsi de suite. Malheur, pasteur de Burki. Et puis, on pose la question. Le pasteur ne devrait-il pas paître le troupeau, les brebis? Et vous voyez effectivement que chaque fois qu'on voit dans le Nouveau Testament... Le mot paître des troupeaux, c'est délégué aux anciens. Et Pierre en fait partie. Pas vrai, frère? Amen. Et pour compléter même ça, quand on voit même dans Deutéronome, quand on disait que quand un enfant était peut-être têtu ou ne goûtait pas son père, on partait voir les anciens. Les anciens. Donc ça dit, c'est même depuis la loi. C'est depuis la loi. C'est depuis la loi, ça se trouve là-bas. Non, c'est profond. Même dans Jérémie 23 que j'ai lu ce matin, justement, on parlait des faux pasteurs. Exact. Donc, ils ne paissaient pas le tout. Exact. Ah, que Dieu soit glorifié. Dans Jérémie 23, vous comprenez ça dans Jérémie 23 et maintenant, justement, pendant que tu en as dit par rapport à Jérémie 23, où effectivement que dans ce Jérémie 23, le fait que les pasteurs ne font pas le seul rôle qu'ils devraient faire, c'est pour ça qu'il dit qu'il va faire le germe, le germe, et que le germe viendra, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le vrai germe, le juste. Le juste. Que Dieu vous bénisse. Non, c'est profond, hein. Oh. On avance. Non, c'est profond, frère. Non, ça me fait du bien, c'est profond, c'est vraiment profond. Merci pour cet enseignement. Ah, là, ça m'ouvre l'esprit, là. Je me résume pour avancer. Je me résume pour avancer. C'est profond. Aïe. Je me résume. Seigneur, mon Dieu. Mon frère, là. Il n'y a pas le Saint-Esprit, là. Qui peut décider ça? Comme on l'appelle, il y a dans l'Ancien Testament, comme les prophètes, Dieu donnait aux prophètes de prophétiser aux anciens, comment on appelle, il parlait aux anciens. Du est-ce peuple. Que ces anciens n'avaient pas ces mêmes fonctions? Ils avaient ces fonctions parce que ce sont les anciens qui encadraient le peuple. Donc vous voyez que cette fonction d'encadrement du peuple, c'est pour ça qu'il veut dire que vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir par exemple la fonction d'apôtre sans voir l'appellation. Vous voyez là, n'est-ce pas? Alors, donc, permettez-moi de résumer avant d'avancer. Le résumé, je résume en disant ceci. Les titres apostoliques, prophétiques, évangéliques et doctorales ont leur fonction de leur personnalité dans les Saintes Écritures. Mais le titre pastoral n'a pas de représentation dans les Écritures autre que le Seigneur Jésus-Christ. Mais la délégation de la fonction du titre pastoral a été déléguée aux anciens. Et de temps en temps, donc, les apôtres et les prophètes en font partie de ce groupe des hommes parce qu'ils viennent aussi pour nourrir un tant soit peu les brebis du Seigneur. Vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, correction numéro 1. Si quelqu'un porte le titre de pasteur, Bon, je reste silencieux. Vous comprenez effectivement que c'est la correction, n'est-ce pas, frère? Tout à fait, tout à fait. Il n'y a rien à dire. Correction numéro 2. On ne fréquente pas pour devenir pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Encore que, corrigeons encore une autre chose. Le doctorat ici, ou bien le doctorant de la loi, ou bien de la Bible ici, ne veut pas dire que quelqu'un a fait 7 ans de théologie pour sortir avec un PhD. Tout à fait. Corrigeons cela, parce que quand on dit que le frère est docteur, son frère est docteur, il dit waouh, c'est qu'il a fréquenté. Le docteur qu'on met devant le nom des gens, des petits R là, ce n'est pas ça dont on parle ici. Parce que ce style de doctorat, ça veut dire que cette personne-ci a la qualification de l'esprit pour expliquer et amener les mystères de Dieu à la plus basse compréhension pour qu'on puisse saisir les brebis. Amen, amen, amen. Amen, amen. Vous me suivez, mon frère? Donc, un docteur de la Bible n'est pas le fait que quelqu'un vient sortir de gros mots en français pour surprendre les gens en mettant la main dans la poche pour dire que quand j'étais à l'université de Manhattan, c'est pas ça dont il est question ici. Il est question de faire que les brebis puissent assimiler exactement comme vous prenez une nourriture qui est solide, vous essayez de mâcher comme la maman fait en pilant peut-être les paumes parce que c'est solide, il rend ça mou pour que le plus petit de l'enfant, en mettant sa bouche, pour qu'elle puisse assimiler sans problème. C'est le rôle d'un docteur. C'est le rôle d'un docteur, ça. Ah non. Ça. Là, aujourd'hui, la nourriture est succulente. Tu as vraiment écrasé ça, frère. On peut avancer. Écraser ça. On boit ça comme la soupe, là. Peut-être que ce n'est pas suffisamment écrasé pour les autres. Les autres ne me parlent pas. Ils ne savent pas s'ils nous entendent, même. C'est pas amen. Amen. Ok, j'avance parce que ces questions sur mon derrière m'ont été beaucoup posées plusieurs fois. Quel est le rôle de ceci? Quel est le rôle de ceci? Je suis en train d'insister sur le rôle des anciens au-delà parce que ces choses-ci ont mélangé, ça a amené le paganisme au milieu de l'église au point où n'importe qui. Quelqu'un se lève et dit que j'ai nommé mes anciens. On a des problèmes, je vous le dis, on a des problèmes. Que voici mes anciens. Et il dit, on dit qu'il est quoi? Il dit qu'il est pasteur principal. C'est un souverain sacrificateur ici, je vous dis. Blasphème. C'est du blasphème, c'est du blasphème. Et si on comprend bien, frère, comme oui. Tu expliquais tout à l'heure dans de quoi c'est l'évision, celui qui est à la charge d'évêque. Oui. Parce que il faut que l'évêque soit irréprochable. Donc, en fait, en gros, on se rend compte que le Seigneur veut nous amener à cette maturité-là. Exactement, exactement. Parce que la vie des évêques, des anciens, justement, ça remplit les conditions d'un bon berger. Et ça c'est pour, conditions c'est, bon c'est pour cela que le Saint-Esprit est intransigeant avec eux dans cet 1 Pierre que nous étions dans le lit. Il dit que d'être des modèles du troupeau, Mais wow. qu'est-ce que vous entendez? Je crois que vous avez suivi sur Radio Magic Miango FM comment l'un des docteurs qui disait, le médecin qui était là disait, il y a un pasteur qui est venu vers lui, il a 3 familles, il se cache, il ne sait pas ce qu'il a dit. Et par la suite, il a dit. Et ce pasteur a dit que le papa a dit que l'enfer n'existe pas. Il se passe où voyez c'est quel niveau. Et voici quelqu'un qui se trouve là maintenant. C'est un pasteur qui lui a dit cela. Et celui-ci connaît la vie de ce pasteur. Quand tu vas te présenter, c'est pour ça que sur la radio, tu peux même dire que si on met la loupe derrière toi là, toi-même tu ne peux pas t'en sortir. Parce que en réalité, avec cette image là qu'il a d'un pasteur, il peut implémenter ça dans tous les autres pasteurs. N'est-ce pas si vous saisissez? Parce qu'on est venu dans une charge d'autres personnes. Vous allez. Je dis que. Ah, vous permettez que je parle? Parle, mon frère, parle. Je dirais qu'il faut parler vraiment. Il y a vraiment des mauvais grains au milieu de nous, au point où il faut que des gens veillent vraiment sur leur âme maintenant. S'il y a une période où on doit veiller sur nos âmes, c'est maintenant. Voici un monsieur qui fait, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on appelle la fémania au Cameroun, c'est un mot qui signifie les gens qui partent essayer par du péri pour pouvoir avoir de l'argent. Et ils vont généralement dans les pays arabes pour le pétrolier. Ils essaient de vous parler avec des langages faciles. D'autres utilisent des techniques de manipulation, de blanchiment d'argent. De multiplication d'argent pour pouvoir frauder de l'argent d'une certaine façon et fuir. Un monsieur comme ça va faire ces choses-là. Il a des centaines de millions. Il vient ouvrir une assemblée et installe un pasteur là-bas. Il se partage avec le pasteur. Donc il est le général overseer de l'église. Il ouvre et le pasteur travaille. Il se partage l'argent. Frère, où est-ce qu'on essaie de diriger avec le nom de Jésus? Plus grave encore, il appelle que l'église de la rédemption. Il appelle ça l'église de la rédemption. Ceux qui, quand tu entres, tu as la rédemption, le nouveau né, ainsi de suite, ils mettent le sang de Jésus là-dedans. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Mais attendez, le ventre est soufflé sur la terre. Il y aura des confrontations. Alors, les ordres pastoraux. Maintenant, regardez, je vous ai donné aujourd'hui, Tite chapitre 1, verset 5 et suivant. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit clairement au frère Tite, il dit, je t'ai laissé en Crète et selon mes instructions, si tu trouves quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, il faut qu'on l'établit, ce qu'il m'a établi, il établit les anciens dans chaque dans l'église. La sœur Hélène, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, bonjour mes bien-aimés. Bonjour ma sœur. Shalom. Donc frère, en fait, ça montre même vraiment alors là, l'image même de l'église. Exactement. Parce que si quelqu'un a ce chargé là, il sera tellement, il va tellement aimer sa femme et il va tenir ses enfants dans la soumission et l'obéissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il va remplir toutes les conditions. Exactement. C'est-à-dire le modèle même du couple. C'est pour cela que la Bible, s'il y a un endroit où on n'a pas de discernement des esprits pour savoir qui est faux, qui est vrai, c'est dans la classe dirigeante. Tout à fait. C'est ce que nous disions bien ce matin quand on a ouvert le micro, frère. Oui, tu leur as dit ça. Quand on entend la voix, cette voix-là, on ne se trompe pas. Oui. On ne se trompe pas. Quand j'ai entendu ta voix, je ne me suis pas trompé. Tu es sûr? Non, en fait, je ne me suis pas trompé, frère. Je suis convaincu. Quand j'entends cette voix-là, je suis convaincu. Quand on entend l'authentique serviteur de Dieu, on est convaincu. Parce que c'est le cœur, c'est du cœur dont on parle là. Ça convainc au niveau du cœur. Mais quand un catholique te dit que quand le prêtre là prêche dans mon cœur, il sent comment mon cœur bat là. Que non, ça c'est un serviteur de Dieu. Ça c'est l'intellect. Ça c'est les émotions, frère. Moi je parle ici de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Avant qu'il dise ce qu'il veut dire encore maintenant. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Donc, le frère Oswald, que le Seigneur te bénisse encore une fois de plus pour cette question. Je ne sais pas si lui-même il est là encore. Il n'est pas là. Non, pardon, je reviens. Pardon, deux secondes. Ok, donc. Mais qui va nous lire là? Éphésiens 4, verset 8. Oui. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Oui. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Stoppons les là-bas. Autres comme... C'est bon. C'est bon. Vous avez vu le temps des verbes utilisés ici par le Saint-Esprit. On dit, étant monté, il a amené les captifs et il a fait les dons aux hommes. Le mot, cette phrase-ci ne ressort pas vêtement la pensée du Seigneur là-bas. Vous voyez? La pensée du Seigneur, c'est que, étant monté, il a amené la captivité captive et il a fait des hommes, les hommes dons. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que le Saint-Esprit essaie d'expliquer ici. Ça veut dire que pour l'humanité, en style de remplacement, il a donné des dons hommes. Pas un don comme un charisme qu'il aurait donné à quelqu'un, un cadeau. Ça veut dire qu'il y a des êtres humains cadeaux pour la terre. Tout à fait. C'est-à-dire c'est les dons sur la terre. C'est les dons sur la terre. Donc c'est une grâce d'avoir un apôtre envoyé du Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'ils entrent dans les mystères du Seigneur pour les faire venir au simple peuple afin de nous préparer à retourner vers Dieu comme il se doit. Voilà leur rôle. C'est ça qu'il a dit pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre de leur ministère. Vous voyez cela? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la statue d'homme fait, à la connaissance du Fils de Dieu. Donc voilà leur rôle. C'est une grande grâce. Alors, maintenant, le vrai problème ici dans ces passages, c'est que c'est le temps du verbe. La Bible déclare qu'il a donné. Souligné, il a donné. Maintenant, quand vous allez souligner cela, prenez les connotations, des annotations tout juste à côté. Notez 2 Pierre chapitre 2, verset 2 à 4. Verset 1 à 4. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 4. Tout juste à côté. Puis notez également, tout juste à côté, 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Quel, quelqu'un en train de bouger, c'est désagréable. Deux pieds, chapitre combien fait? Deux pieds, chapitre 2, verset 1 à 4. Vous avez noté? Bon, ça va noter. J'ai dit que vous notez 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 4, 1 Timothée 4 verset 1 à 3. Mais notez également maintenant Actes des Apôtres chapitre 20 que nous avons lu tout à l'heure. Actes chapitre 20 verset 28 à 30 ou mieux à 31 même. Notez tout juste à côté puis je vais parler. Je recommence encore. J'ai demandé que vous souligniez il a donné. C'est ce groupe de mots qui crée problème aujourd'hui. Alors, si vous avez fini de noter, je vais dire quelque chose et puis je vais citer les choses qui sont écrites dans ces différents versets dont je vous ai donné tout à l'heure. On y va? On y va. Maintenant, Père, que ton nom soit glorifié. Maintenant, écoutez très attentivement. Dans un enseignement, j'en avais déjà parlé, c'est que le Seigneur Dieu a un plan, selon Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 10. Il a un plan. Il avait son plan dans son cœur, celui de manifester sur la terre sa puissance de la résurrection et réconcilier tous les gens qui lui appartiennent et qui seront égarés sous un seul régime, le régime de Christ. Et pour cela, chaque dispensation dans ce plan-ci a des vecteurs et des conducteurs, des directeurs dans cette direction-là. C'est-à-dire, chaque époque de cette dispensation, il a les gens qu'il a choisis qui vont faire telle ou telle chose. L'accomplissement parfait de cela, c'est la maturation du corps de Christ. Et donc, dans le corps de Christ, donc, on ne s'improvise pas pour faire quoi que ce soit. Dieu a tout prévu et ça doit fonctionner comme il le veut. Quand le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 16, verset 16 à 18, il dit « Je bâtirai mon église ». C'est un projet architectural futuriste qui va lui-même bâtir. Et comme celui qui a le plan, au chapitre 10, chapitre 15 des Jean, il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Où est-ce là, n'est-ce pas? Afin que vous alliez, que vous portiez des fruits, que votre fruit demeure. Donc, ça dit qu'il y a un but pour lequel il les a choisis. Maintenant, au chapitre 17 de ce même livre des Jean, il explique que ces personnes-ci qu'il a choisi sur la terre étaient à Dieu et Dieu lui a confié. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Je les ai gardés quand j'étais sur la terre. J'ai fait connaître ton nom. Je leur ai donné ta parole. Ils les ont reçus. Ils ont reconnu que je suis sorti de toi, dit le Seigneur dans sa prière sacerdotale. Donc, en clair, en toile de fond, les gens que le Seigneur vient choisir sur la terre pour manifester cela étaient connus de Dieu et choisis d'avance par Dieu. Et le moment venu, le Seigneur les rappelle sur la terre. C'est ce que l'apôtre Paul signifie dans le livre de Galates chapitre 1, verset 11 à 16, où dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. » Suivez bien ces mots-là. « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. » Regardez bien, il a été mis à part depuis le sein maternel. C'est-à-dire qu'il est né pour une œuvre. Et dans le chapitre 13 que nous avons commencé à lire dans cette questionnement-ci, au chapitre 13, le Saint-Esprit dit au verset 2 du chapitre 13 de Actes des Apôtres « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ouais, mis à part. Donc prédestiné à une œuvre, le moment venu, on appelle pour l'envoyer dans la fonction. Autrement dit, Dieu a tout prédestiné, principalement les dirigeants qui vont conduire le corps de Christ à la maturité dans toutes les dispensations. Amen. C'est par cela que la parole, ce que vous avez souligné là, il a donné. Remarquez bien pour que vous compreniez ce que ça nous dit. Si vous lisez Apocalypse chapitre 1, 2 et 3, il s'adresse aux sept dispensations de l'Église. Or, pendant qu'il en est d'écrit, d'ici en l'an 95 à Patmos, pendant qu'il en est d'écrit ces choses-là, lorsqu'il écrit, les dispensations ne sont pas encore manifestées, sinon la première seulement qui a été manifestée sur la terre. Donc la prochaine dispensation après la première qui était sur la terre n'était pas encore là, encore moins la deuxième, encore moins la troisième, encore moins la quatrième, encore moins la septième, jusqu'à la septième. N'est-ce pas si vous me saisissez? Quand Jean l'apôtre est en train d'écrire, pendant qu'il est en train d'écrire, écrit ses sept lettres et envoie-les aux sept églises qui sont en Asie, à Éphèse, ainsi de suite, jusqu'à la Odyssée. Quand il est en train d'écrire ces choses-ci, où le Seigneur est en train de parler de la maturation de son église qui va venir sur la terre, et à l'exemple découpage qu'il a fait, Il s'adresse aux anges, aux messagers des 17 différentes églises. Pas vrai, frère? Tout à fait. Il s'adresse à eux alors que ces gens-ci ne sont pas encore sur la terre. Donc, par conséquent, le moment va venir, va les manifester et la voix va leur adresser la parole pour qu'ils fassent ce qu'ils sont censés faire. C'est ce que j'en ai dit, qu'avant que vous ne veniez sur la terre pour une œuvre, votre charge est déjà établie. Tout à fait. Maintenant, lisez-moi le verset, le chapitre 4 de 1 Timothée, que je vous ai donné tout à l'heure, que vous écrivez à côté. Après, on va aussi lire 2 Timothée, chapitre 4. Notez aussi 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 5. Tout à l'heure, je vous ai donné 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 3. Donc, lisons ces deux passages, ces deux différents chapitres de Timothée. Donc, 1 Timothée 4 et 2 Timothée 4, dont je vous ai donné. Et on voit quelque chose. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, défendant de se marier, ordonnant de s'abstenir des gens que Dieu a créés. Afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Amen. Car tout ce que c'est, créé est c'est, bon. C'est bon, mon frère. Donc, la Bible dit clairement que c'est prophétisé par l'Esprit que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est ce qu'il écrit, frère. Et on dit c'est par l'hypocrisie des faux docteurs, donc des faux enseignants. Ça veut dire qu'il y a des faux enseignants qui vont venir, par conséquent, inspirés par des démons. Parce qu'on a dit que ça s'attachera à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et des doctrines sont implémentées sur la terre par des apôtres et des prophètes. Vous voyez donc dans 2 Timothée, dans 2 Pierre, il dit qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Vous voyez? La soif des nouvelles révélations à milieu de chrétiens, c'est un problème. La soif des sensations de ces choses-là, c'est un problème. C'est pour ça que vous pouvez voir les doctrines, c'est des fausses doctrines maintenant sur l'enfer et sur le paradis. Les gens qui peuvent aller jusqu'à dire qu'un juge d'un même au paradis. Mais avec des enseignements sérieux, on a des problèmes sur la terre. On a des problèmes sur la terre. Ce n'est pas encore là. 2 Timothée 4, allons-y. C'est compliqué, mais il faut qu'on dise la vérité. Ça peut choquer. De Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. C'est un frère. Verset 1 à 5. Je te somme devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur. D'esprit avec doctrine, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des coups agréables. Qu'on les chatouille les oreilles, j'aime ça, comme les chatouille les oreilles. Oui, continue mon frère. Ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Souligne ça, ils chercheront les docteurs, oui. Donc, dans notre version, c'est « ils se donneront des foules de docteurs », n'est-ce pas? « Ils chercheront des docteurs qui répondront à leurs désirs, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. » Voilà. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Je vous pose la question. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, combien d'apôtres avait-il? Il y avait 12. La Bible fait mention de combien d'apôtres au nombre du total? Au nombre total, là, avec Parce qu'il y a l'autre qui l'a remplacé dans Acte, c'était Marcel, je crois, et après Paul aussi et apôtre. Donc ça fait 13. Continue comme ça. Tout à l'heure, on avait Barnabas aussi, ça fait combien? Barnabas aussi, ça fait 14. Continue comme ça aussi. Il y a aussi Paul, il y a aussi Silas et Timothée, ça fait combien? Non, Silas et Timothée, ça fait les apôtres. Tu es sûr, frère? Ah, je ne sais pas, mon frère, avant que tu me démontres, non? Donc, notez que la Bible parle. Notez que dans votre Bible, il est mentionné 21 apôtres. D'accord? 21. Ils sont allés quelque part. Le frère, pour ta gouverne, sache que Timothée était un apôtre. D'accord? Amen. Bon, maintenant, regardez très attentivement. Je suis en train de vous amener quelque part. Donc, du temps du Seigneur Jésus-Christ, il choisit seulement 12 apôtres. Lorsque la Bible fait jusqu'à ce qu'on clôt la Bible, on ne voit que 21. Maintenant, vous lancez le défi. Combien d'apôtres on a sur la terre aujourd'hui? On a des problèmes. N'est-ce pas, frère? Tout à fait. On a des problèmes. Maintenant, par référence biblique, où est-ce que la foule... C'est pas ce que dit 2 Corinthiens 18, frère. Ce n'est pas celui qui se recommande, lui-même qui a approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, suivez attentivement ce que je viens de dire. On dit... Au dernier temps, donc là, quand les gens vont commencer à quitter la saine doctrine, il y aura des foules de docteurs. Donc, vous dites, ce qui produit les foules de docteurs. Ils ont le camp de concentration d'écoles théologiques et d'écoles de prophètes où ils les produisent chaque année, chaque mois, selon le bon projet. On comprend que c'est lui-même n'est pas sérieux. Non? C'est lui-même, il a les dents dures, comme le journaliste m'a dit sur les antennes. Là. C'est compliqué, c'est ceux qui se sont fait uniques eux-mêmes, non? Comme le Seigneur parlait dans Matthieu, là, il y en a qui se sont fait uniques eux-mêmes, il y en a qui sont fait uniques par Dieu. Donc, en fait, il y a pas mal de passages comme ça qui nous parlent que... Mais le point, c'est qu'on dit qu'ils sont en foule. Foule, ça veut dire quoi? Ils sont en grand nombre. Frayant de qui démissionne. Donc, à un moment donné, il dit, je ne suis plus apôtre. Où est-ce que tu sors avec ça encore, mon frère? Il n'est pas encore entendu l'autre là. Apôtre démissionnaire. Ils sont nombreux aussi qui démissionnent, frère. C'est vrai, c'est nombreux qui démissionnent, frère. Après, démissionne pourquoi? Parce qu'on l'a irrité dans l'assemblée où il était. vous l'appelez apôtre, dit je ne suis plus apôtre. J'étais apôtre quand j'étais à telle assemblée là-bas. Bon. Et vous voyez effectivement que. Ça veut dire que c'est un apôtre homme, n'est-ce pas? Ou un apôtre d'homme. D'homme, tout à fait. Voilà. Ok. Alors, donc, vous voyez effectivement que, comme le frère Benjamin a dit, que c'est dans les camps de concentration, c'est-à-dire la brigade de formation de fous, qu'on sort chaque mois, chaque trimestre, chaque année, selon le niveau que vous avez. Peut-être vous entrez avec le BEPC, ou il y a le CPE, vous entrez, vous faites 3 ans. Vous sortez avec la licence en théologie. On dit effectivement que vous êtes berger, et puis vous orientez dans une don pastoral principalement. Vous ouvrez votre église. En citant les livres de votre grand pasteur ou de votre grand pasteur qui vous a enseigné dans les cours de théologie. Alors donc, nous sommes partis de Actes de Éphésiens chapitre 8, chapitre 4, verset 8, où la Bible nous a dit clairement, en nous révélant au verset 11, qu'il a donné, il a donné. Donc, d'après ce verset-ci, le Seigneur, le jour qu'il est, parce qu'on est en train de faire état ici du moment où il est monté, on dit qu'il est monté, avant de monter, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, et il a amené le captif. Donc, comme il a amené, c'est le moment où il montait. Et quand il est monté, il a donné. On n'a pas dit qu'il donnera. Ça veut dire que ceux que le Seigneur va manifester sur la terre sont connus de lui d'avance, choisis par lui. Mais le Saint-Esprit explique donc au dernier temps, donc, les gens se donneront. Donc il y aura le man-made system of governing the body of Christ. C'est-à-dire qu'une tentative d'essayer de faire comme Dieu, de singer Dieu dans ses affaires. Et bien plus. Ils ont fait même plus que Dieu en prenant le nom du Seigneur Jésus-Christ comme un système marketing. Et le plus grave, c'est que ça a été implémenté en lieu et place du fonctionnement de l'église au point où l'église semble être absorbée par le corps cancérigène qui est grandi, qui a été poussé depuis son corps. De telle enseigne que c'est plutôt le corps-là qui est appelé le muscle et puis le vrai corps ne semble être invisible. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Donc Dieu nous montre qu'il a déjà donné ses anciens. Si le Seigneur fait 100 avant de venir encore, et que nous ne sommes pas sur la terre, les apôtres qui vont venir, les prophètes qui vont venir pour manifester la glorieuse manifestation du Seigneur jusqu'à sa venue. Ces apôtres-là ont été donnés le jour où Christ ressuscité des morts et monté au ciel. C'est ce qu'ils sont venus à aspirer. Donc, quelqu'un n'est pas nouveau. Vous ne devenez pas apôtre, prophète, parce que vous venez de vous redonner à Christ et que le Seigneur vous a dit dans une voix que non, va maintenant, qui enverrai-je? Que non, c'est pas cela. Il vous connaît, c'est votre fonction, c'est votre place, et personne ne pourrait pas faire cette place-là que vous. C'est pas ce que vous me saisissez. Tout à fait. Autrement dit, on ne devient pas, on ne devient pas pasteur, on ne devient pas apôtre, on ne devient pas évangéliste, on ne devient pas. Vous êtes né pour cela. C'est pourquoi je dis aussi qu'on le reconnaîtra à leurs fruits, non, frère. Que quand vous allez voir mes serviteurs, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Exactement. Parce qu'on connaît un arbre à ses fruits. Exactement. Pour que l'arbre puisse être grand, juste comme ça, vous savez que dès le départ, sa semence, à l'intérieur, lui se trouve dans tout ce qu'il doit produire. Tout à fait. Alors, maintenant, Actes apôtres chapitre 10, on va glisser quelque part. Actes apôtres chapitre 10, verset 24. Notez aussi Actes apôtres chapitre 14, verset 22 et 23. Actes chapitre 10, verset 24. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci pour le temps que vous m'accordez pour essayer d'écouter ce que j'ai dit. Que Dieu nous bénisse. Merci à toi mon frère de nous enseigner. Donc, nous sommes dans Actes chapitre 10, le verset 24. Qu'est-ce que ça dit? Je prends juste le verset 24 parce qu'il ne veut pas qu'on dure. On est là presque 2 heures là maintenant. Il va falloir qu'on va prendre une pause pour reprendre la partie. Verset 24. Nous sommes là chez Corneille et Corneille va devant Pierre. Qu'est-ce qu'il se passe? Il arrivait à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis. Continuons. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en lui disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Je veux votre commentaire là maintenant. Vous comprenez ce que Jean vous l'a dit. Souvenez-vous de qui est Pierre. Il a vu jusque physiquement. Il a vu sa mort, il a vu sa résurrection. Il a vu après sa résurrection. Il a reçu les charges, des missions. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a prêché les qualifications. Les gens sont nés de nouveau. Il a prêché, guéri, ressuscité des morts. Mais il vient ici. Le Saint-Esprit l'a envoyé là-bas. Quelle est son attitude vis-à-vis de la révérence à lui faite par ce soldat? Là, ça montre vraiment l'idée de Jésus-Christ de Nazareth. Qui reconnaît que son maître, à son maître revient toute la gloire. Amen. Amen. Je pose la question donc. Que veut dire révérend? Nous sommes là sur Internet. Nous sommes connectés. Donc, voici mes deux mains levées au ciel. Vous pouvez, dans votre laptop ou votre ordinateur, pendant que vous êtes en train de m'écouter, faire les recherches, taper révérend et demander définition du révérend. Et puis, vous nous dites en direct maintenant que veut dire révérend. Et puis, on va commenter avec la Bible. Vous allez voir que le paganisme a vraiment infesté au point où, vous voyez maintenant, les pasteurs ont leur carte de visite, exactement comme un médecin, un avocat aurait ses cartes de visite. Dit pasteur tel, de l'église de la chapelle de tel, révérend docteur pasteur tel, de l'église chapelle de tel. Mon cabinet est situé à tel endroit. Qui répond au numéro de téléphone, ma secrétaire répond au numéro de téléphone. Tant. Que veut dire révérend? Grave encore, on est arrivé jusqu'à trouver même le féminin de ce mot-là. Révérende. Mon frère, est-ce que c'est pas celui à qui on fait des révérences? C'est la réponse à la question où tu me poses la question. Parce que je veux que vous-même vous donnez d'abord ce que veut dire révérend et puis je continue. Nous sommes en train de toucher quelque chose concernant le corps de Christ et il faut qu'on nettoie bien, n'est-ce pas, frère? Tout à fait, frère. Alors, donne-moi ce que veut dire révérend. J'ai ici la définition qui me dit épithète honorifique devant les mots père, mère et parlant de religieux. Voilà. Relais encore, frère. Épithète honorifique devant les mots père, mère en parlant de religieux. Donc, on met ce titre-ci pour les quoi? Les honorer. Voilà. N'est-ce pas, frère? Tout à fait. Actes chapitre 19. Parce que le révérend pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même, frère. fallait dire ça à ton pasteur. Tu devais voir. Mais moi, je n'ai pas eu de pasteur par la grâce de Dieu. Amen. Donc, mon seul pasteur, c'est Jésus. Amen. Donc, il faut dire le révérend Jésus alors. Bon, vous voyez effectivement que, ces pasteurs-là peuvent s'appeler révérend pasteur tel, mais eux, dans leur prédication, ils appellent Jésus-Christ Jésus de Nazareth. Pas vrai? Oui, mon frère Olivier. J'ai mon dictionnaire qui dit quelque chose. C'est grand respect. Grand respect. Pour moi, qui consiste à incliner le corps ou à réfléchir les genoux pour saluer. Amen. Encore une fois, le plus grand. Oui, oui. Allons-y. Encore. Tirer sa révérence. Oui. Partir, s'en aller. Oui. Révérence, parler, saluer. Expression destinée à excuser un propos trop audacieux. Non, non. En premier lieu, ce que tu as lu, c'est sur les différentes phases de cela. Allons-y. Les différentes grand utilisations. Respect. Grand respect. Grand respect. Mouvement qui consiste à incliner le corps ou à fléchir les genoux pour saluer. N'est-ce pas terrible ça? Tout à fait. C'est pour cela que j'ai oui, frère Achille, allons-y. Oui, la signification, en fait, j'ai plutôt cherché ce que veut dire le mot révéré en lui-même, le verbe. Voilà, le mot révéré. Oui, le significatif, le premier que ça donne, c'est adorer, célébrer, considéré, glorifié, respecté, estimé. Bon, là, vraiment, le reste, j'en passe. Voilà, honoré, donc nous comprenons que révérer veut dire adorer. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Pierre a fait? Pierre, l'apôtre a fait quand Corné venait de lui. Qu'est-ce qu'il voyait en Corné? Qu'est-ce qu'il a détecté? L'adoration. Il a relevé rapidement. Mais il y a des hommes dits de Dieu aujourd'hui que les gens tombent à leurs pieds et ils attendent même qu'on grave encore, on nettoie même leurs pieds avec le chiffon. Quand ils passent, on nettoie leurs pieds avec le chiffon aujourd'hui. Pas vrai, frère? Quand on fait sur la terre comme ça, on vous appelle grand homme de Dieu, votre orgueil mort, ou quoi que c'est vous qui êtes mort pour le brebis. Dieu attend seulement le jour qu'il va enlever ce souffle-là. Tu vas te tenir devant lui, il va te dire qui est le vrai révérend. Alors, chapitre 19, verset 27 des Actes des Apôtres, qu'est-ce que ça dit? En fait, ce qu'on voit maintenant là, c'est compliqué. Hein? Que puisse Dieu ouvrir les yeux de chacun de nous en entendant cet enseignement. Actes chapitre 19, verset 27. Allons-y. Il n'y a pas directement dans le verset, pourquoi on ne lit pas trop, on n'est pas trop à lire. C'est pour ça qu'il dit dans le verset spécifiquement. Ici, nous nous trouvons en Asie, à Éphèse principalement, où il y a un Démétrius là-bas et l'apôtre Paul qui bouleverse l'église d'Asie, ainsi de suite. Allons-y. Il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit désiré, mais même que le temple de la grande déesse, de la grande Diane, ne tombe dans le mépris et que sa majesté, que toute l'Asie et que le monde entier revers ne soit anéanti. Donc on dit que le monde entier, toute l'Asie et le monde entier faisait quoi pour la grande déesse? L'adoration, donner cette adoration. Le mot qu'on a utilisé c'est Reverrait. Donc d'après ce qu'on a dit le lit ici, les gens de cette contrée là révéraient la Diane des Éphèses, la grande Diane qu'on appelle aujourd'hui Marie dans l'église catholique. C'est pour ça que vous avez effectivement les catholiques essaient de dire que nous la vénérons seulement, nous ne l'adorons pas. Ils essaient de jouer sur le mot. Or l'acte qui pose montre clairement que c'est l'adoration qu'on a fait à cette entité, pas vrai? Tout à fait. Ok, maintenant. Vu qu'il se prosterne, frère. Ça veut dire que. Vu qu'il se prosterne. Oui. Je dis que vu qu'il se prosterne devant la statue de Marie, il reverse là. Exactement, c'est ce que vous avez dessiné dans une de vos dessins. C'est pour ça qu'il voudrait que vous participiez en donnant les définitions que vous allez trouver. Alors, la seule et unique fois où la Bible a utilisé un radical du mot révérend, ça s'adressait à l'adoration d'une idole, d'une divinité. Tant qu'ils mettent sur le cadre mémoire révérend pasteur, il veut dire adorable pasteur. Pas étonnant qu'ils peuvent confondre avec le français en disant que nous t'adorons. J'adore le pasteur là, j'adore mon pasteur. Vous voyez là? Parce que c'est normal, c'est l'expression de leur être. Alors on voit effectivement que chaque pasteur ou bien chaque homme de Dieu, entre guillemets, qui met révérence sur son nom, prend la place de Dieu et appelle les fidèles à l'adorer sans s'en rendre compte. Tout à fait. Et chaque fois qu'on va le dire, révérend pasteur tel, révérend tel, ça veut dire clairement qu'on a dit adorable tel, pas vrai frère? Tout à fait. Où est-ce que l'église en train de se diriger? C'est compliqué frère, c'est compliqué. Et ici à Paris, je n'en parle pas. C'est pas l'église frère, c'est pas l'église. Ah, c'est Pierre Laporte qui a parlé. Parce qu'il y a une confusion actuellement, donc... Maintenant, je vous pose la question. Tous les apôtres de la Bible, avez-vous vu un seul endroit où on a mis un titre honorifique attaché à quelqu'un? Non. Vous voyez effectivement qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 20. Lisons les versets 20 au verset 25 de Matthieu chapitre 20. Le temps que vous trouvez ça, le frère Olivier lit. Mais on voit dans la Bible quand Jean a voulu se prosterner devant l'ange qui l'a confondu. Oui, l'ange justement dans le livre des Apocalypse chapitre. Le chapitre 19, verset 8. Oui. Alors, le frère Olivier, le temps que les gens trouvent Matthieu chapitre 20, donne-nous encore la définition donc, des révérends, là, le premier que tu as trouvé. Et puis, le frère Achille aussi nous donne encore la sienne. Le mot Je pense que c'est la révérence, grand respect, mouvement qui consiste à incliner le corps ou à fléchir les genoux pour saluer. Voilà, merci beaucoup. Donc, ça veut dire que si quelqu'un fléchit les genoux devant toi, c'est un succès. Grand respect. Oui, mon frère, ça veut dire que si quelqu'un incline le corps pour saluer quelqu'un, il a de les révérer. Si quelqu'un prosterne encore, plus grave encore. Et si c'est devant encore un titre religieux, vous l'adorez. Ça ne m'a pas dit. C'est encore très grave. Le frère Achille, ta définition. Le frère Achille, ta définition. Voilà. De mon côté, la signification de ça donne adorer. Oui. Oui, adorer, glorifier. C'est grave. Donc, il y a même glorifié sur ça. Avoir un culte. Voilà les mots que ça donne, les différentes indications de révéler. Avoir un culte. Glorifié. C'est terrible. Oui, qui parle? Si tu pouvais un peu donner la différence avec ce qui se passe, par exemple, avec. C'est moi, frère. Oui. J'aimerais un peu que tu me donnes la différence avec ce qui se passe avec la Soulamite en 2 Rois chapitre 4, par exemple, parce que c'est autant de passages que les gens font, par exemple, pour abuser ne t'inquiète pas, on ne doit pas le donner ces cas, on ne doit pas le donner cela. Il faut arrêter cela. De la même façon comme quelqu'un ne doit pas dire où ça soupe pas pour dire que j'ai béni Dieu pour tout ce qu'il a fait là-bas, j'ai béni le Seigneur de toute façon cela. De la même façon qu'on ne peut pas dire que non, j'adore tes yeux en disant que non, ce n'est qu'un mot. On va laisser ces cas-là principalement dans les Saintes Écritures parce que je vous ai dit la fonction des prophètes de l'Ancien Testament sont totalement différentes de la fonction des prophètes du Nouveau Testament. Lorsqu'on va venir à la fonction des prophètes, vous allez voir le pourquoi. Il a par exemple dit que je t'ai fait Moïse Dieu pour toi, pour Aaron, pour Pharaon. Vous allez comprendre toutes ces choses-là. D'accord, mon cher frère? Alors, si on va là-bas, si il vient là-bas, il va falloir que j'arrange le problème de l'école des prophètes. Comme on a vu les cargaisons de prophètes là-bas dans différents, à Jéricho, ainsi de suite là-bas. C'est que je vais devoir parler de l'école des prophètes qui n'est pas biblique. Donc, l'Ancien Testament, de son l'Ancien Testament pour le moment, nous parlons de l'Église. D'accord, mon cher frère? Frère. Oui. Frère. Oui. La connexion est instable. Qui parle? Il ne vous voit plus. J'ai juste une question, en fait. Oui. C'est le frère Pierre. Oui. Beaucoup disent que c'est plutôt le respect qu'on donne à ces personnes. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut considérer ces gestes comme la rente ou bien... C'est pour ça. c'est-à-dire la frontière entre respect et ce comportement exagéré que les gens ont souvent, parce qu'il y en a parfois qui sont dans l'ignorance. Oui. Bon, maintenant, comportez-vous bien, avec la bienséance, sans adorer. N'est-ce pas, c'est simple comme ça, frère? Vous m'avez suivi? C'est simple de se comporter bien sans adorer. Si si connaît, si connaît déjà la frère, bon arrivé, asseyez-vous là. Ce serait bien, il a bien accueilli. Mais rentrez en bas, oh mon Dieu, que Dieu nous vienne vraiment en aide. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Oui, quelqu'un voulait parler, la soeur Carole voulait parler. Amen. C'est la soeur. J'ai des problèmes avec les connexions. C'est la soeur qui, Hélène. Oui. Oui, vas-y ma soeur. Je disais que mon frère, quand j'étais dans les dénominations, vraiment, on encourageait à... On disait respect de l'autorité, dont les autorités établies dans la dénomination. Oui. Et ils étaient vraiment fermes là-dessus. Il fallait vraiment honorer ces personnes-là. Et ça frisait vraiment l'idolâtrie. Mmh. Et c'est vrai, à un moment donné, je sentais que... Enfin, c'était l'impression, hein, tu sens que ces gens-là sont vraiment importants, qu'ils ont même pris la place de Dieu. Et quand j'ai commencé à partir de là, c'est parce que je commençais aussi à être mal à l'aise. Mmh. Parce que j'avais l'impression d'adorer, quoi. Mmh. Et ça me mettait mal à l'aise. Mmh. C'est autant de choses qui m'ont fait fuir. En tout cas, vous pouvez voir ça quand la personne entre, même dire d'abord, les gens se lèvent pour montrer leurs signes, mmh. cela. Mais si c'est juste qu'il entre là-bas, enfin, juste qu'il entre là-bas, on l'aperçoit même pas. De toute façon, si tu fais comme ça, comme tu l'as fait, on va te dire que tu es rebelle, pas vrai? C'est ça, mon frère. La dictature autoritaire dont fait montre les dirigeants des assemblées aujourd'hui est totalement différente de la coopération de l'amour distributif de l'amour du Seigneur sur les brebis dont parle la Bible. Amen. Lisons donc cela, c'est ça qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 20, verset 20 à 24, 25, dont je vous ai parlé. Matthieu 20, verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à droite et l'autre à gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux qui m'ont, à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Continue, mon frère. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Voilà. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. Je crois que c'est un peu plus clair ici. Il n'y a pas besoin d'interprétation particulière, pas vrai? Tout à fait. C'est limpide. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons une pause et nous reviendrons tout juste après, pas vrai? C'est très vrai. Une pause s'impose. Est-ce qu'on peut parler aussi de la fonction des diacres et diaconesses? Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia. Tu es pour nous un bon berger, en toi nous pouvons brebis, tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux, quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutiendra. Te savoir devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours. Le soleil qui éclaire notre chemin. Et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main. Le revoyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant nous assis, la gloire qui couronne, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, le renvoyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés. Tu es pour nous le bon berger, le thème de notre hymne. Marais peinés d'angers, ta douce voix nous demande d'espérer. Tu nous conduis dans ton royaume pavé d'or, là où tes grâces nous ouvrent ton trésor. Tendre et véritable ami, tu constitues pour nous la vie. Quand la terreur nous envahit, tu combats notre place, nos ennemis. Roi de Salem, honneur de ta part. Savoir de nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, le revoyage de pèlerin, ensemble avec tes rachetés. Devant ta majesté, Jésus, je viens te supplier de m'accorder ta grâce, effacer tous mes nombreux.